نلتقي مرة أخرى هذا المساء، هذا المساء بإذن الله سبحانه وتعالى على كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الألباني عليه رحمة الله. كنا توقفنا فيما يخص الأحاديث بالأمس عند حديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة، لا عفوا ليس هذا، أن أطول الناس عنقا يوم القيامة أنهم المؤذنون، أنهم المؤذنون. قبل هذا، قبل هذا من الذي يريد أن يعيننا إن شاء الله تعالى في الترجمة هذه؟ أبو محمد، لأني نسيت الأسماء، أذكر شيراز، أذكر زنجبيلة، أذكر أم عبد الله، آخرون نسيت أسماءهم. حكيم كبرى، تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، يقول أشد أمتي حبا لي، أشد أمتي حبا لي قوم يكونون بعدي، قوم يكونون بعدي. طيب ابو محمد شتيون في البلانج شلف اسمه شيف، شيف دي 59. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حبا لي قوم يكونون بعدي. البروفيت صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح il a dit أشد أمتي حبا لي، ceux qui m'aiment plus de ma nation، ceux qui m'aiment plus de ma nation. قوم يكونون بعدي، ce sont c'est une nation ou là c'est un groupe ou là qui sera après moi, après ma mort, pas maintenant, qui sera après ma mort, pas maintenant. يود احدهم انه فقد اهله وماله وانه رآني، يود احدهم لو انه فقد اهله وماله لو رآني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que ceux qui m'aiment le plus, ce sont des gens qui viendront après. Ensuite, il leur a donné quelques descriptions. Il a dit Yawuddu ahaduhum, l'un d'eux voudrait, ceux qui vont venir après, l'un d'eux voudrait, annahu faqada ahlahu wa malahu annahu ra'ani. Si on me faisait choisir entre, il perd toute sa famille, tous ses proches, ou là, et il perd tout son argent et tous ses biens. Ou là il me rencontre, ou là il me voit, il aurait choisi ma vision. Non, il aurait choisi ma vision. On lui dit tu choisis. Yani, entre voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et perdre tout tes biens, ou la garder tout tes biens, ne pas le voir. Celui-là préférera de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sûr que quelqu'un qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un amour sincère, qu'il est prêt à faire, ce qui est dit dans ce hadith est plus. وَلَا شَكَ أَنَّ أَحَدًا غَمَرَ حُبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْبَهُ إِنَّهُ مُسْتَعِدْ عَلَى أَنْ يَبْذُلَ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ وَأَكْثَرْ بِكَثِيرٍ. لأن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإنه كما قلت فإن كل غال يهون في عينه، كل غال، tout ce qu'il y a de plus cher ou de plus beau là, il ne devient rien entre ses yeux par rapport à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ce que nos parents ne nous ont pas donné. Tes parents au maximum, ils t'ont acheté une voiture, ils t'ont élevé, ils t'ont construit une maison, ils vont te marier. Au maximum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi'idnillah azza wa jal, t'a fait sortir de l'obscurité et des ténèbres, du coffre et des innovations et des bidas, et t'a fait montrer le chemin. Il a souffert à cause de toi, il a été frappé à cause de toi, il a souffert, il a été empoisonné même à cause de nous, et pour que à la fin, si tu meurs, Inch'Allah ta'ala, tu vas partir au paradis, tu vas rentrer au paradis. C'est quoi ce que nous ont fait nos parents par rapport à ce que nous a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne va pas, je ne veux pas dire par là qu'on ne doit pas aimer nos parents, ni reconnaître ce qu'ils ont fait pour moi. Abadan, wa hashaw ma'adallah. Ensuite, comment dirais-je cela alors que le Coran lui-même, il les a placés en deuxième position après Allah et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ensuite les parents. Non, je ne veux pas dire cela. Je veux dire, mais ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ont fait les prophètes en général, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que fassent nos parents. Ensuite, il y a un autre hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je peux me le rappeler, dans un hadith sahih, il se trouve aussi dans le sahih de Cheikh Al-Albani, il se trouve où il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Wa dittu anni laqitu ikhwani ». Une fois, le prophète alayhi wa sallam a dit, « J'aurais souhaité rencontrer mes frères ». Il a dit ça devant les compagnons, radiyallahu ta'ala. Il a dit, « Je souhaite, yani, quelque chose qui brûle comme ça en mon cœur pour voir mes frères. » فقال أصحابه رضي الله تعالى عنهم أوليس نحن إخوانك alors les sahaba رضي الله تعالى عنهم les compagnons ont dit ne sommes-nous pas tes frères tu veux chercher tes frères tu veux voir tes frères ne sommes-nous pas tes frères il a dit صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي vous êtes mes compagnons ou là vous êtes mes compagnons نعم ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني vous êtes mes compagnons mais mes frères, ce sont ceux qui ont cru en moi et ne m'ont pas vu. Ceux qui ont cru en moi et ne m'ont pas vu. Hada alhamdulillah, ce hadith donc, il yantabiq pour tous ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le voir. Hada fadl min Allah subhanahu wa ta'ala, fadl kabir, pourquoi? Parce que des gens l'ont vu et n'ont pas cru en lui. Nous on l'a pas vu et on a cru. Hada fadl min Allah subhanahu wa ta'ala azim. Pardon, j'arrête une seconde, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, je dois voir, pardon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné hada al-fadl al-azim kawnuna amanna bin nabi sallallahu alayhi wa sallam min ghayri ru'yatihi wa inna unasan kathirina ra'awhu wa lam yu'minu bih ra'awhu bi'aynih ورأوا المعجزات التي أجراها الله على يديه صلى الله عليه وسلم وخوارق العادات ولم يؤمنوا به نحن الحمد لله ما رأينا شيئا من ذلك سمعنا فقط بذلك فآمنا فكان هذا فضلا من الله عز وجل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل لولا أن هدانا الله عز وجل ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un autre hadith, il a dit Isma'u li Ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushriduhum hadith hasan ça hadith bon le prophète Islam a dit faites à la famille de Ja'far son cousin radiyallahu ta'ala anhu il est mort bien sûr c'est connu sur son histoire on lui a coupé les deux mains etc et le prophète Islam il a dit je l'ai vu au paradis avec des anges en train de voler avec des ailes. Je l'ai vu en train de voler avec des ailes. Quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Isma'u li Ali Ja'far ta'aman ». Donc maintenant il est mort, faites ou la cuisiner ou là, à sa famille, quoi, yani de quoi manger. « Fa inna waqad atahum ma yushriluhum ». Ils ont maintenant ce qui va, yani, je sais pas comment on dit yushridon. Yani maintenant, ils vont pas avoir de temps libre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un meurt de la famille, les proches, sa famille n'a pas le temps, par exemple, d'aller quoi? Par exemple, d'aller, non, les occuper, non, ça va les occuper. Parce que quand quelqu'un meurt dans la famille, son père et sa mère et ses frères et ils n'ont pas le temps d'aller, par exemple, préparer le manger. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend maintenant que quand quelqu'un meurt, qu'il est proche de nous, c'est nous qui faisons la cuisine à ses parents. C'est nous qui faisons la cuisine à sa famille, pardon, à la famille du mort. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Qui, par exemple, qui va perdre son fils et Yanné va pouvoir aller cuisiner? Quelle est la mère qui peut cuisiner ce jour-là pour manger? Ça, c'est impossible. Donc, ils sont occupés, on est obligés, nous les voisins, de faire par exemple يعني cuisiner quelque chose, نطبخ شيئا, et de l'envoyer aux parents, la famille du mort. Bien sûr, maintenant, c'est le contraire. Maintenant, quand quelqu'un meurt, yani, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations, beaucoup de bida que Allah Azza wa Jalla n'aime pas, et que toutes, beaucoup, beaucoup de familles font mal à ça. La première bida, c'est que ce jour-là, beaucoup de gens vont venir à la maison du mort, et ça, c'est la première bida, c'est le premier haram, le fait d'aller s'asseoir chez la famille du mort. Le mort qui a sa famille est occupée, tu vas t'asseoir là-bas et rester chez eux des heures et des heures. Alors ils vont être obligés de faire quoi? De cuisiner. Tu vas les pousser à ce qu'ils te cuisinent. Ça se fait tellement que les familles des morts maintenant, c'est devenu une habitude. Dès qu'ils voient les gens venir, des centaines venir, ça, d'ailleurs ils leur préparent à l'avance. Ils leur mettent des tables, ils leur mettent des chaises devant la porte, etc. Pourquoi? Pour leur donner à manger. Si seulement c'était le premier jour, mais encore le troisième jour, encore le quarantième jour. Le troisième et le quarantième jour. Alors les trois jours, le premier, le troisième, le quarantième. Tout ça, ce sont des innovations que Allah Azza wa Jalla n'aime pas, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire, ni les compagnons l'ont fait. D'ailleurs, le hadith que je viens de citer dit bien le contraire. Il dit, c'est toi qui cuisines à la famille. C'est pas toi, tu vas t'asseoir et tu vas attendre qu'on commence à t'apporter le manger. Maintenant, c'est tellement devenu bid'a, ça a tellement changé, au point que des fois tu passes devant une maison en voiture, tu vois des gens assis en train de manger sur des tables, et des centaines assis, que tu ne sais plus si c'est une mort ou est-ce un mariage. Non, tu sais pas. Les gens assis en train de rire et de fumer, et en train de raconter des histoires et de blaguer, tu ne sais pas, tu dis ça, c'est sûrement quelqu'un qui s'est marié, alors que c'est quelqu'un qui est mort. Et ensuite, si seulement les gens se suffisaient à un morceau de pain se lever, ils vont rester là une heure en train de manger, à attendre d'abord le manger, ensuite hamlhlo, ils vont demander hamlhlo à la fin, comme au Ramadan, ensuite les fruits, ensuite le thé, et ensuite la cigarette. Tout cela, c'est interdit, c'est haram. Chacun de nous, chacun de vous a une responsabilité avant qu'il meure de dire, celle-là dit à ses parents qui n'est pas marié, l'autre elle dit à son mari, le mari dit à sa femme, l'autre dit les deux, l'homme et la femme disent à leurs enfants, moi si je meurs, je suis bari, je me désengage de tout ce que vous faites qui est bid'a. Je me désengage de tout ce que vous faites qui est bid'a. Surtout quoi? Surtout le manger ada du troisième jour et du quarantième jour. Si vous le faites, je me suis désengagé devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'entend maintenant quand je suis en train de vous faire la wasiya hadi. Donc comme ça, si tu dis cela, laisse-les faire le 40 et le 50 et le 60. Toi tu as fait, alhamdoulilah, tu as fait yani, ce que tu devais faire envers eux. Et Allah Azza wa Jalla a été témoin et t'a entendu. C'est pour ça que dans la sunnah, de préférence, quand quelqu'un meurt, on ne va pas chez lui. On lui téléphone par exemple, ou là quand on le rencontre dans le travail, on lui dit, ou là dans la rue, ou là. Maintenant, puisque c'est difficile, puisque des fois c'est difficile, si on va chez lui, on va seulement pour 5 minutes. Ce qui est mieux encore, c'est seulement devant la porte. On ne rentre même pas. Car Shafi'i, al-Rahmatullah, a dit, que même les compagnons ont dit, que les compagnons de la TBN, j'ai oublié, ils ont dit que le fait d'aller et de t'asseoir, tu es rentré dans le na'y. Le na'y, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faut pas faire le na'y, Adam. Faut pas faire le na'y. Le fait d'aller chez le mort, de rentrer et de t'asseoir, même si tu bois rien, tu manges rien, tu es rentré dans le na'y. C'est quelque chose que Cheikh Al-Albani a montré dans son livre Ahkam Janaiz. Il a dit, c'est interdit. Donc maintenant, si jamais tu dois aller parce que tu as peur, il va dire comment il m'a pas fait les condoléances, etc. Donc tu vas, si tu peux, seulement devant la porte. Si tu ne peux pas, et tu rentres au moins 2 ou 3 minutes et tu sors. J'ai affaire, pardon, je dois aller travailler 2 secondes et tu sors sans rien manger, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, « Idhminouli sittin min anfusikum adman lakum al-jannah. Adminouli, je ne sais pas comment on dit en français, adminouli, yani min adhaman, adman li kada, je te donne kada. Alors, tu parles à quelqu'un, tu lui dis, admin li, que tu vas venir demain, yani, convainc-moi, ou là, que tu vas venir demain, je vais te. Ilyes, tu avais enlevé le point rouge, Ilyes. Donc, je vois pas. Prouve-moi que tu vas venir demain. Il y a mieux que prouve-moi, c'est pas prouve-moi, il y a mieux. Garantis-moi, jazakallahu khair, garantis-moi, admin li. Ça, quand une voiture ou là, tu l'achètes, tu dis, donne-moi la garantie, vaman. Jazakallahu khair, Abu Abdurrahman. C'est mieux garantir. Prouver, c'est juste encore mieux, c'est garantir. Je dis que. Chef du 59, je t'ai enlevé le point rouge tout à l'heure. Abu Omlina, je vous ai enlevé le point rouge. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, garantissez-moi 6 choses. Je vous garantis le paradis. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, garantissez-moi, ça veut dire. Non, pardon, je t'ai enlevé, chef du 59, je t'ai enlevé. Non, tu n'as pas le point rouge. Seulement toi, barakallahu fik, descends ta main, pour que si quelqu'un lève la main, je sais qu'il y a quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque me garantit 6 choses, je lui garantis le paradis. Awalan, usdurou idha haddathtum usdurou. Si vous parlez, ne mentez pas. Il y a le verbe qui dit mentir, et on dit ne pas mentir. Ne pas mentir, je ne l'ai pas trouvé en français. Il a dit usdok. En arabe, on dit usdok. Kun sadiqan. Soit quelqu'un de kada, qui ne ment pas. Donc, la première des choses qu'on doit faire, si vous voulez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit, naam, si vous voulez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous garantisse le paradis, on doit ne pas mentir. Non, on ne doit pas mentir. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit que yani, l'hypocrite a non, on doit être sincère et ne pas mentir. Sincère et ne pas mentir. Car l'hypocrite, comment on connaît l'hypocrite? Il a 3 ou 4 signes. L'un des signes c'est quoi? Il a haddatha kadab. L'hypocrite, le petit hypocrite, il y a le grand qui va rentrer en enfer pour ne plus sortir, comme Ibn Abi Saloul, et il y a les petits. Le petit hypocrite, c'est un musulman, c'est un croyant. Mais celui-là, c'est un petit hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à l'hypocrite et il fait des péchés. Le premier péché qu'il fait, c'est quoi? Son signe, c'est s'il parle, il ment. Donc, quiconque, chaque personne, qui lorsqu'elle parle allemand, ça veut dire qu'elle a un des signes des hypocrites, un des signes des 4 signes de l'hypocrite. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit que l'hypocrite avait 4 signes, quiconque les faisait, c'est un vrai hypocrite. Donc il faut prendre garde. Si à chaque fois que tu parles, tu mens, tu as un signe. Maintenant, si tu fais encore les 3 signes, ça y est, on est devenu un vrai hypocrite. Ouliyadou billah. Munafiq, ouliyadou billah. Et le fait de ne pas mentir quand on parle, ça fait rentrer au paradis, comme vous devez le savoir. Et j'ai dit une fois, quand je parlais des songes, j'ai dit quand on parlait des songes, j'ai dit que le prophète alayhi salam sallam a dit que plus on est sincère et on ne ment pas, plus on n'est pas menteur, plus nos songes, ce qu'on voit en rêve, ce sont des choses, des songes véridiques qui s'appliquent. Ce que tu vois la nuit, il sort le lendemain ou après une semaine ou après un mois. Le muhim, ça s'exauce. Pourquoi? Parce que tu es sincère. Plus on est sincère, plus nos rêves, nos songes sont véridiques. Plus la personne a l'habitude de mentir, plus elle ne voit en songe que des choses comme ça, puis on khalq, des choses comme ça qui ne sont pas claires, des choses et des choses qui ne s'exaucent pas. Et ça suffit, que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il a dit innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika hum al-kadhibun la hawla wa la quwwata illa billah. Y a-t-il plus grave que cela? Innama yaftari al-kadhib, ne ment innama yaftari al-kadhib alladhina, j'ai oublié comment j'ai dit le verset, alladhina la yu'minuna bi ayati Allah. Allah Azza wa Jalla a dit ceux qui mentent, ce sont ceux qui ne croient pas, ladina la'una bi ayatillah, ceux qui ne croient pas au verset d'Allah ou là au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul kadhibun, et ceux-là sont les menteurs. Mentir, wallah, mentir, c'est non seulement un signe de l'hypocrisie, mais c'est un grand péché. Mentir, c'est un grand péché. C'est un grand péché. C'est pour ça que si vraiment quelqu'un veut qu'on l'aime et que l'Azawajal l'aime et que les gens l'aiment, il ne faut pas qu'il mente. Il faut qu'il soit quelqu'un qui ne ment pas. Parce que à force de mentir, les gens vont premièrement ne pas t'aimer, deuxièmement ils ne vont plus te faire confiance. Ils ne vont plus te faire confiance. Ils ont dit qu'il y avait quelqu'un qui mentait beaucoup. Il mentait, il plaisantait beaucoup. Il était une fois avec, c'était un berger, il était avec ses moutons. Ensuite, il a vu des gens là-bas, il a commencé à les appeler. Venez, venez, vite. Il y a le chacal, qui veut prendre mes moutons. Lorsqu'ils sont arrivés en courant, en haletant, il a dit là, je plaisantais. Ils sont revenus, il a fait la deuxième fois. Il a dit, voilà, je plaisantais. La troisième fois, quand il l'a fait, et c'était le vrai chacal qui est venu, ils ne sont pas allés. Ils ont dit, celui-là, il est en train de plaisanter, on le connaît, c'est un menteur, celui-là, il fait toujours comme ça. Ils ne sont pas allés, quand il les a appelés, et le chacal lui a mangé, ou lui a pris un mouton, ou de plus. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne mentait jamais. Mais, même quand il plaisantait dans des choses qui étaient vraies, jamais dans le faux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il plaisantait dans des choses qui étaient vraies. Comme quelqu'un, par exemple, dans un hadith sahih, un compagnon lui a demandé, il y a un chameau pour qu'il aille, je ne sais pas où. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-moi une seconde, je vais t'emmener son petit. Le petit du chameau, je vais t'emmener son petit. Alors il s'est étonné, il y a un petit chameau, peut-être qu'il vient de naître, ou là il a 6 mois, comment je peux monter sur celui-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le petit est là. Le petit, n'est-il pas, yani le petit chameau, n'est-il pas grand avant, yani il n'y a pas un chameau qui n'a pas yani de ce qu'on appelle de père ou là. Yani hada, c'est un petit par rapport à ses parents, mais il parlait d'un grand chameau, un chameau normal, mais il est petit par rapport à, yani c'est un enfant, c'est un petit par rapport à ses pères et ses mères, mais il voulait dire par là un grand chameau, un jeune, voilà, un jeune chameau. Pardon, j'ai dit petit, ça. Un jeune chameau. Et chaque jeune est jeune par rapport à ses parents. Il dit, hein, qu'il le dépasse combien d'années, mais il peut être grand. Et là, il était grand, bien sûr. Et une fois, il a vu une vieille. Ils ont parlé un peu, ensuite, il lui a dit, ne sais-tu pas que la vieille ne rentre pas au paradis? Ne sais-tu pas que la vieille ne rentre pas au paradis? Ensuite, il est rentré chez Aïcha, radiallahu ta'ala anha, ou une de ses épouses. Ensuite, cette épouse est venue lui dire, qu'est-ce que tu as dit à la femme, à la vieille dehors, elle est en train de pleurer. La vieille, tu lui as dit quelque chose, elle est en train de pleurer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su ce qu'il a fait, il est revenu vers elle, il lui a dit, quand je t'ai dit que la vieille ne rentrera pas au paradis, ça veut dire que Allah azza wa jalla la rendra jeune avant de la faire rentrer. Je n'ai pas menti. La vieille ne rentre pas au paradis. Il n'y a pas au paradis la femme de 70 ans, ni l'homme de 75 ans. Qui a les dents qui sont tombées, hein, qui ne peut pas marcher, il marche avec la canne. Celui-là, c'est ce qu'il va faire au paradis. Donc il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la vieille ne rentre pas au paradis. Je voulais dire par là que tu deviens jeune, inshallah, ensuite tu rentreras au paradis. Et il y a beaucoup d'exemples dans ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait, mais ne mentait jamais. La première des choses, il a dit, garantissez-moi 6 choses, je vous rentre, inshallah ta'ala, au paradis. Là, vous allez rentrer au paradis. La première, usduru ida haddastum. Usduru ida haddastum. Ummu al wa tamallah. Vous avez levé le bras, je vous ai enlevé le point rouge. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez parler ou là, je n'ai pas compris. Tafadhal tamallah ou la ummu al. Est-ce qu'il y a quelque chose ou là, qui s'est passé ou là? Et Annie, qu'est-ce qui est bloqué? C'est le sang ou là quelqu'un qui est bloqué ou là c'est la main qui est bloquée? La main est bloquée. je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te la fasse descendre. Fais un doigt pour que tu la fasses descendre. Naam. Donc, awalan, c'est fait, alhamdulillah, naam. Reste Ummu, elle qui n'a pas descendu sa main. Awalan, usduru idha haddathtum. Ne mentez pas si vous parlez. Thaniyan, awfu idha ahadtum. Awfu idha wa'adtum. Pardon, awfu idha wa'adtum. Quand tu donnes quelqu'un un rendez-vous là, il faut aussi aller par exemple à ce rendez-vous, pas seulement un rendez-vous. Quand tu dis par exemple le mois prochain je vais t'apporter ceci, ou là je vais te donner ceci, ou là je vais te prêter ma voiture, ou là, il ne faut pas revenir marche arrière, sauf bien sûr si on est dans l'obligation. Ça nous dépasse. On téléphone à cette personne, on lui dit pardon, il s'est passé ceci et cela. Mais quand on promet quelque chose, il ne faut pas en principe revenir sur la promesse. On ne revient pas sur la promesse, sauf jeudi, si on est dans l'obligation. La troisième des choses, si jamais je vais en voyage, je laisse ma voiture chez quelqu'un, ou là mes bijoux chez quelqu'un, ou là quelque chose chez quelqu'un, quand il revient, il faut qu'il me la rende. C'est pas il me dit je l'ai perdu alors que ce n'est pas vrai, ou bien il va la vendre et acheter avec cet argent je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de kha'inun, ça s'appelle kha'in. Tu lui donnes quelque chose et quand tu pars en voyage, là, je ne sais pas où tu vas, il la vend, il profite de son argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux grands péchés, de ne pas te rendre et d'avoir menti, car il est obligé de te mentir. Comment qu'il va te dire? Il va te mentir. Il va te dire, voilà, je suis très désolé. Il fait sortir son mouchoir et il va commencer à pleurer. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Allah, on m'a volé. On t'a volé. Mais je veux dire que quand on m'a volé la chose que tu m'as laissée aussi. On a tout pris. Et commence à pleurer comme ont pleuré les frères de Youssef alayhi salam quand ils l'ont jeté dans le puits. Il y a beaucoup de cela parmi les musulmans. Il y a beaucoup de cela, mal asaf. Ensuite, c'est la quatrième des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la quatrième des choses, وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. أَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ, يعني, c'est un peu difficile à dire en français, que aucun musulman n'a droit de faire le haram avec son membre, le haram, sauf avec sa femme s'il est marié, ou bien Moukliyamin, s'il y a la guerre sainte, on ramène les femmes, etc. Ça s'appelle Moukliyamin. Maintenant, il n'y a pas cela, il te reste seulement ta femme. Ta femme, si tu veux la deuxième, la troisième, la quatrième, il n'y a que cela, il n'y a pas autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. Et les musulmans, مَعَ الْأَسَفْ, ou là, même les soi-disant pratiquants, ont des fois, ils font des choses qui sont haram, comme ils font des choses avec leurs mains. Ils font des choses avec leurs mains, ils disent, je ne peux pas, je ne suis pas marié, etc. Je n'ai pas marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré, il a dit, marie-toi, ya ma'ashar shabab, min stata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Il a parlé aux jeunes, c'est pas aux vieux, aux jeunes. Mariez-vous. Celui qui ne peut pas, n'a pas d'argent, celui qui ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Fa'alayhi bis-siyam. Qu'il fasse le jeûne, le lundi, le jeudi, le deux fois par semaine, etc., trois fois par mois, ça ne fait rien. Parce que le jeûne, adal al-karam, il affaiblit les tentations. Donc, les ulamas ont dit, si le fait de faire avec sa main, ça se faisait, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait-il pas montré maintenant? Et ici, dans ce hadith, alors qu'il est interdit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cacher quelque chose qui sert aux musulmans et qui est un bien pour les musulmans. La yajuzu ta'khir al-bayan an waqt al-haja. Pourquoi il leur a dit, si vous ne pouvez pas vous marier, faites le karam et le jeûne. Pourquoi il n'a-t-il pas dit, faites avec vos mains? Ça veut dire que faire avec la main, c'est haram, comme vous devez le savoir, sauf si un homme fait avec sa femme, ou la femme avec l'homme, avec sa femme, l'homme, l'époux avec son épouse, et l'épouse avec son époux. C'est tout, où on peut faire ces choses-là. Ensuite, là, je n'oublierai pas de dire que beaucoup de musulmans, ma'al-asaf, ce sont eux qui se poussent vers le haram. il s'assoit en face de la télévision ou l'internet et il regarde les choses que Allah Azza wa Jalla n'aime pas qu'on voit. Ensuite, ses tentations grandissent. Ensuite, ses désirs, yani, il a thawra, yuthiru shahawatihi, hein, il se fait exciter. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai plus de solution. Ou bien il va faire la zina, ou bien il va faire ce qu'on a dit tout à l'heure avec sa main. Donc, qui t'a poussé? Qui a poussé tes tentations et tes désirs? C'est toi et le shaitan. C'est toi et le shaitan. Si tu t'étais dirigé vers le Coran, ou là vers les doros, ou là vers le hadith, ou la talib al-ilm, Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla t'aurait aidé. T'aurait raffermi ton cœur. T'aurait fait oublier ces choses. T'aurais ouvert ton cœur pour talib al-ilm. Quand Allah Azza wa Jalla ouvre à quelqu'un les portes et les issues et les voies de talib al-ilm, khalas. Ça veut dire que, Inch'Allah ta'ala, il a jeté un pied dans le paradis, il reste le deuxième. Khalas, ça veut dire que Allah Azza wa Jalla est réjoui de lui. Il ne pense jamais à ces choses-là. Quand il va dormir, peut-être qu'il se réveille la nuit à cause d'un hadith. Il va dire, subhanallah, le hadith a dit ceci, j'ai cru cela, il faut que je vérifie. Et à 2h du matin, il va se lever, il va prendre le livre, aller dans notre chambre et vérifier le hadith, etc. Pourquoi? Parce que ton cœur est attaché avec le ilm, et ce qu'il a chez Allah, et ce qu'il a chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les autres, c'est shaitan qui habite dans le cœur. Dans le cœur, il y a, ça s'appelle Beit al-Ankabut, il y a une toile d'araignée, il n'y a rien, ni aqidah, ni rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le shaitan qui a habité. Le shaitan a dit, Allah aide le cœur à elle, nous convient très bien. Il est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien. Il y a seulement les excitations, les films, les kada, les bidas. Alors ça lui plaît beaucoup. Alors le musulman, le mu'min, le vrai, c'est celui qui, comme a dit Allah Azza wa Jal, « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا » Allah Azza wa Jal a dit, quiconque a fait la tazkiya, a purifié son âme, قَدْ أَفْلَحَ, il a réussi, il réussira, il rentrera au paradis. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا وَمَنْ سَعَ فِي تَدْسِيَتِ نَفْسِهِ فَقَدْ خَابَ. Mais quiconque ne fait pas la tazkiya de son âme, il la laisse comme ça, c'est tel qu'il le guide. Il laisse son âme, c'est tel qu'il le guide. C'est tel qu'il commande. C'est tel qu'il fait ce qu'elle veut. Il voit ce qu'il veut. Il regarde ce qu'il veut. Il entend ce qu'il veut. Celui-là, l'Azul a dit, Qad khaba wa khasir. C'est un grand perdant. C'est un grand perdant. Pourquoi? Il n'a pas fait le jihad al-nafs. L'Azul a dit, il faut que tu fasses le jihad al-nafs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith Bukhari, المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. Le mujahid, c'est pas celui qui prend le revolver, c'est celui avant tout qui fait le jihad de quoi? De son âme. Le prendre le revolver, c'est la chose la plus facile du monde. Tu prends et tu vas là-bas, tu vas faire la guerre. C'est la chose la plus facile. La plus difficile, c'est de faire la guerre à ton âme. Ton âme, comme a dit Ibn al-Qayyim, il a dit, je ne vois pas comment quelqu'un va faire le grand jihad, le djihad qu'on appelle de la guerre, alors qu'il n'a pas fait l'autre djihad et le grand aussi, que le shaitan est là, et son âme aussi, son âme est là, entre, il a dit, Bayna Jambay, dans son flanc, en train de lui faire des mashakil. Il a dit, shaitanuhu mutasallit alayh. Le shaitan, maintenant, c'est lui qui commande, il est là devant toi, ton âme, c'est elle qui te commande, c'est pas toi, tu l'as pas purifié. Et tu veux aller au djihad. Commence par ce djihad. Tu as oublié le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mujahidu man jahada nafsah. Tu as oublié cela. Al-mujahidu man jahada nafsah. Le mujahid, celui qui a fait le djihad, la guerre à son âme. Ou tu n'as pas fait. Ton âme, c'est un ennemi. C'est un ennemi pour toi. C'est ce qu'elle veut. Et elle va te faire rentrer en enfer. Et tu n'as pas fait la guerre. Donc commence par faire la guerre à toi-même. À faire ton âme, à la faire prosterner, à la faire abdiquer, afin qu'elle dise, khalas, je ne suis plus les tentations, je vais suivre ce que Allah aime et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dans la cinquième chose, il a dit, wa raddu absarakum. Raddu absarakum. Yani, ne regardez pas des choses qui sont haram, ne regardez pas. Et c'est l'azul qui a dit dans le Coran, qu'il mu'minina yaruddu min absarihim. Dit aux croyants de baisser leurs yeux. Ensuite, un peu plus loin, il a dit, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضَبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Et dit aussi aux croyantes de baisser de leurs yeux. Et quand il a dit, Allah Azza wa Jal, baisser leurs yeux, c'est pas baisser, ne rien voir. C'est pas marcher dans la rue, avec le regard baissé par terre, et ensuite tomber dans les trous. Et c'est pas cela qu'a dit le prophète. Il a dit, quand tu marches par exemple, supposons qu'un homme marche et le premier regard il voit une femme. Ça ce n'est pas interdit, comme a dit le prophète dans Hadith Ali radiallahu ta'ala. Il a dit, le premier regard c'est pour toi, c'est halal, le deuxième c'est contre toi. Quand tu regardes la première fois, c'est normal. Quand tu marches, il faut regarder. Qui c'est celui-là, tu regardes normalement. Mais le deuxième regard, quand tu descends tes yeux et tu veux regarder la deuxième fois, cela, tu rentres dans le haram. Sauf si tu veux regarder pour autre chose. Par exemple, tu as regardé, par exemple, un homme a regardé une femme, ensuite il a descendu les yeux, ensuite il s'est dit, celle-là n'est-ce pas ma soeur, n'est-ce pas ma voisine, il a regardé, ça, inshallah ta'ala, c'est pas haram. Mais celui qui baisse les yeux et regarde dans la deuxième fois pour la tentation, celui-là, il est rentré dans le haram. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le regard a un grand, grand rôle, une grande relation avec le membre. Pourquoi? Parce que d'abord tu regardes, il y a quelque chose qui rentre dans le cœur, ensuite le cœur donne le signal au membre, ensuite ça devient une grande excitation, on ne peut pas se retenir. Plus tu fermes les yeux, tu ne regardes pas, plus ton cœur reste sain. Il y a pas les lances du shaitan qui rentrent dans le cœur. Il n'y a pas le poison qui rentre dans le cœur. Le poison rentre par où? Rentre par les yeux et par les oreilles, et surtout par les yeux. Autrefois on disait, loin des yeux, loin du cœur. Tu vois pas quelqu'un, tu vois pas la chose, alhamdoulilah, ton cœur est tranquille. Dès que tu commences à voir, ça va te faire des problèmes et ça va te faire beaucoup de mashakil. Pourquoi? Parce que tu as vu. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. Regardez, أزكى لهم, c'est Allah qui a dit ça. Le fait de pas regarder, ذلك أزكى, c'est pur pour toi. Tu veux faire des problèmes pour ton cœur, commence à regarder le haram, tu vas voir ce qui va se passer dans ton cœur. Donc laisse ton cœur yani sain et propre, et évite et ferme les yeux, qui sont les deux portes qui font rentrer au cœur. Ferme les yeux, ne regarde que les choses qu'il est permis de voir et les choses que Allah Azza wa Jal aime. Et la sixième des choses, il a dit, wa kuffu aydiyakum. Wa kuffu aydiyakum. Ça veut dire, vos mains, Allah Azza wa Jal nous a donné deux mains, aide les deux mains. C'est pas pour, par exemple, pour léser les gens, pour frapper les gens, pour faire l'injustice. Pour beaucoup de gens, par exemple, et quand il te plaisante, etc., il te frappe, etc. Tout cela, on ne doit pas le faire avec les mains. On ne doit pas le faire, car les mains, on doit les laisser seulement pour des choses qui sont bénéfiques, pour prendre des choses, pour descendre des choses, pour dire Allahu Akbar et pour cela. Je n'oublierai pas ici, j'ai dit Allahu Akbar, je n'oublierai pas de demander à ma soeur Umm Abdullah Jazairiya, qui m'a envoyé une fois un email où il y avait la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je l'ai perdu. De me renvoyer, inshallah ta'ala, aide la salat, car je l'ai perdu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, atfalul mu'minina fi jabalin fil jannah. Atfalul mu'minin fi jabalin fil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les enfants des croyants, c'est quoi un enfant? C'est quelqu'un qui meurt avant d'être pubère, avant d'avoir atteint la puberté. Celui-là, c'est un enfant. Il a dit, fi jabalin fil jannah. Ils seront sur une montagne dans le paradis. Ils seront sur une montagne dans le paradis. Yekfulum Ibrahim wa Sara. Et Allah Azza wa Jal a kallafa Allah Azza wa Jal kallafa Ibrahim et sa femme Sara, Ibrahim wa Sara, yani jalhum mukallafina bi بأولاد المؤمنين في الجنة. الله عز وجل quand il va mettre les enfants ado avant que bien sûr leurs parents ne les rejoignent. C'est Ibrahim عليه السلام وصارا que الله عز وجل كلفهم qu'ils soient avec eux. Ils ont chargé, barakallahu fik, ils ont chargé Ibrahim wa Sara des enfants des croyants. قال حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal les rende à leurs parents le jour du jugement dernier. Donc, quiconque a perdu un enfant avant l'âge de la puberté, cet enfant est avec Ibrahim ou Sarah maintenant jusqu'à ce que ses parents meurent, et bien sûr, si ses parents sont été pieux, etc., ils rentreront avec leur fils et leurs fils rentreront avec eux au paradis. Dans un autre hadith qui n'est pas là, il dit que Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce hadith n'a pas dit. Un autre, il dit, en train de leur apprendre le Coran. En train de leur apprendre le Coran. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Quand quelqu'un sait que, quand il a perdu un fils ou un enfant, cet enfant est avec Ibrahim en train d'apprendre le Coran, ça, yani, alhamdoulillah, alhamdoulillah, fad kabir. Eux, les autres, yani, les mécréants, ou les djouhal, ou les chrétiens, ou les juifs, ou qui ne croient pas en des choses pareilles. C'est pour ça que tu le trouves en train de souffrir. Comment j'ai perdu mon fils? Où est-il maintenant? Est-ce qu'il est poussière? Comme disent certains, yani, il a ressuscité. Il est venu en un animal ou en une autre personne ou là. Mais le musulman, le croyant, alhamdoulilah, la route, tout est clair devant lui. Quelqu'un est mort avant la puberté, il est Ibrahim alayhi salam, en train d'apprendre le Coran. Elle dit, ça raffermit le cœur. Tu te dis, alhamdoulilah. Yani, mon fils, inshallah ta'ala, je vais le rencontrer très bientôt. C'est pour ça que le musulman, yani, Allah azzawajal, yani, a pas had al-fadl, anna Yani le musulman, toujours quand il, par exemple, il pense à la mort ou à quelqu'un qui est mort, toujours tu le trouves patient. Pourquoi? Il sait que c'est un bout de temps, il va rencontrer le mort. C'est seulement 10 ans, ou là 15 ans, ou là 20 ans, ou là 30 ans. C'est quoi 30 ans? Ça passe comme une étincelle. Et demain, il va se dire, je vais rencontrer mon mort, hein, mon fils, ou là, mon mari, ou là, ma femme, ou là, mon père. Mais par contre, celui qui ne croit pas, ou là, ne connaît pas ces choses-là, c'est une grande mouchkila pour lui. Toute sa vie, il est blessé. Toute sa vie, il est hazin. Il est, comment on dit hazin? Toute sa vie, il est malheureux. Toute sa vie en train de penser, yani, à le mort qu'il a perdu. Nahnu, comme a dit Allah Azza wa Jal, triste, voilà. Toute sa vie, il est triste. Toute sa vie. Allah Azza wa Jal dit, Kama ya'isa, le kuffar min ashab al-qubur. Il nous a dit, ne soyez pas comme les koufars, là, ils n'ont plus de amal, hein, ils n'ont plus de amal en ce qui concerne le mort. Ils n'ont plus de amal. Ils n'ont plus de. J'ai oublié comment on dit amal. Ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir pour yani, voir le mort une deuxième fois. Nahnu, inshallah ta'ala, on sait bien qu'on va les revoir. Ensuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ce hadith, il a dit Atfalul mu'minina fi jabalin fil jannah. Atfalul mu'minin fi jabalin fil jannah. Donc il a parlé des enfants des croyants. Atfalul mu'minin. Mais il y a un autre hadith. Ouais, justement, il est là le hadith. Il est là, je l'avais marqué. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Atfalul mushrikin. Maintenant, il va parler des enfants de qui? Des enfants des kuffars. Il a parlé des enfants, des musulmans. Il a parlé qu'ils sont avec Ibrahim et Sarah en train d'apprendre le Coran. Et les enfants des kuffars, où sont-ils? Où sont les enfants des kuffars? Les enfants des kuffars, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Atfalul mushrikina khadamu ahli al-jannah. Les enfants des kuffars vont rentrer au paradis et vont être les khadam, les serviteurs des gens qui vont être au paradis. Non, ils vont être les serviteurs de ceux qui vont rentrer au paradis. On dit un khadam. On dit j'ai amené un serviteur là à la maison. Je ne sais pas si ça s'appelle serviteur. On dit par exemple la femme, on dit la bonne. Et il y a l'homme. Hein, on dit, il a dit, le professeur m'a dit, ils vont, et ce sont eux qui vont servir, etc., les jus, etc., les fruits, etc., au paradis, aux croyants. Pour que vous sachiez que Allah Azza wa Jal est juste et très juste. Juste et très juste. L'enfant Adam, il est né de Jacques et Jacqueline. Il est né de père mécréant. Jacques et Jacqueline. Et quand même Allah Azza wa Jal va le faire entrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait. Quelqu'un qui meurt avant la puberté, il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, même s'il a insulté Allah, ma'av Allah, malgré cela, ça ne va pas lui compter. C'est pour ça que nos enfants, les enfants des musulmans, toute chose qu'ils font avant la puberté, cette chose se divise en deux. Ou bien c'est une chose que Allah n'aime pas, ça ne va pas s'écrire contre lui. Ou bien c'est une chose que Allah Ta'ala aime, ça va s'écrire pour lui. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça que si tu apprends à un enfant avant la puberté, tout ce que tu lui apprends et il fait, vous allez avoir les deux le ajr. Toi pourquoi? Parce que c'est toi qui lui as montré. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on doit apprendre. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis désolé, je me suis déconnecté. Je ne sais pas même yani, depuis combien de temps j'étais déconnecté. Je parlais de quoi? La dernière chose dont j'ai parlé, c'était quoi? Je me suis arrêté où exactement? 10 minutes, subhanallah, c'est beaucoup 10 minutes. Parce que j'ai parlé de quand on dort, c'est Allah Azzawajal qui nous fait mourir. Est-ce que j'ai parlé de ça? Dites-moi, Barakallahu, écrivez-moi la dernière chose, je me suis arrêté. Naam, Hakim, il n'y a pas de son parce que j'attends que vous m'écriviez. J'ai dit, dites-moi où je me suis arrêté exactement. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai dit, la dernière chose, où je me suis arrêté. Parce que moi, je ne savais pas que j'étais déconnecté. J'ai remarqué à la dernière minute. Vous m'écrivez, Inch'Allah Ta'ala, où je me suis arrêté. Des gens qui regardent des choses qui existent. Est-ce que j'ai parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que je venais d'expliquer le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yani abdallah ka'annaka tarah. Adore Allah Azza wa Jalla comme si tu le voyais. Ensuite j'ai dit qu'il a dit tu dois te compter parmi les morts. Est-ce que vous avez entendu quand j'ai commencé à expliquer compte-toi parmi les morts. Est-ce que vous avez entendu cela? Pas toi. D'accord, les autres. Je vais attendre les autres. Des mécréants. Bon, Hajar, je t'enlève le point rouge. Bon, Mohamed. Je me suis arrêté où exactement? Les enfants n'ont plus peur de quoi si on est sur le pavillon, sinon, ça n'arrive pas sur l'âme. Donc, ils seront serviteurs pas. Donc, je me suis arrêté très loin. Ça fait donc un quart d'heure là que je suis en train de parler dans le vide mal SF. C'est pour ça que ça me désole le kartokulada. Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui montre, par exemple, qu'on est déconnecté? Normalement, quand on déconnecte, il y a quelque chose qui sent nous là, qui montre. El Mohima. Ensuite, le prophète alayhi sallam a dit, on va terminer avec ce hadith et un autre. Il a dit, wa'bud Allah ka'annaka tarah. Adore Allah Azza wa Jal, c'est comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Si tu ne peux pas le voir, n'oublie pas qu'il est en train de te voir. Toi, tu ne peux pas le voir et tu ne le verras que le jour du jugement dernier. Mais n'oublie pas quoi? Qu'il est en train de te voir. Quand tu as dans ton cœur que Allah Azza wa Jal est en train de te voir, permanent. L'idée est là, shu'ur est là, permanent dans ton cœur, que Allah Azza wa Jal est en train de te voir. Quand tu as ça, en principe, jamais on ne fait un péché, je veux dire un grand péché. Jamais. Pourquoi? Quand cette chose est permanente en ton cœur. Justement, nous on fait des péchés quand on oublie cela. On oublie que Allah Azza wa Jal est en train de nous voir. Mais je vous donne un exemple très simple. Est-ce que quelqu'un qui sait que son père est là, assis en face de lui, en train de le voir, et que cette personne, par exemple, cette personne, comme chez nous en Algérie, hein, les vieilles traditions, alhamdoulilah, les vieilles traditions, c'était tous des bonnes traditions, la plupart. La vieille tradition dit que un fils, même quand il est marié avec ses enfants, il ne fume jamais devant son père. Ça, vous connaissez dans les traditions algériennes. Un fils, jamais ne fume devant son père, même s'il s'est marié. Il y a des fils maintenant, des gens mariés avec leur femme, quand ils rencontrent leur père, ils commencent à trembler. Tellement ils le respectent, etc. Maintenant, les enfants frappent leur père. Bon. Alors, quand il sait que son père est assis en face de lui, est-ce qu'il peut par exemple tirer une cigarette et fumer? Jamais de la vie. Mais quand il sait que son père est dehors devant la porte, qu'il ne peut pas le voir, il fume. Toi, quand tu sais que l'Azhar, je suis sûr qu'il est en train de voir, tu ne peux pas faire le grand péché. Si tu n'as pas peur d'Allah Azzawajal, yani, tu respectes, naam. Mais c'est pour ça que le prophète alayhi sallam a dit, en ce sens, il a dit, n'oublie pas qu'il est toujours en train de te voir. D'ailleurs, si tu veux, par exemple, tu veux faire une salat, et tu veux qu'elle soit parfaite, cette salat par exemple, avant de dire Allahu Akbar, n'oublie pas que Allah Azzawajal est en train de te voir, et que dès que tu diras Allahu Akbar, tu termines le mot Akbar, Allah Azza wa Jalla mettra son visage devant ton visage. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu dis Allahu Akbar, ne fais pas l'iltifat. Ne commence pas à voir avec tes yeux comme ça à droite, comme ça à gauche, etc. sans raison. Pourquoi? Parce que c'est aïb. Comment Allah Azza wa Jalla est en face de toi, et toi tu laisses le visage de Allah subhanahu wa ta'ala, tu commences à regarder à droite et à gauche. Non. Tu regardes directement à la place du sujoud, où tu vas faire le sujoud. Donc plus on a la certitude que Allah Azza wa Jalla est en train de nous voir, plus on a honte de lui. On a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit, وَحْسِبْ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى. Ensuite le prophète alayhi sallam a dit, compte-toi parmi les morts. Quand tu comptes les morts, qui est mort ta famille, X, qui est mort de tes amis, X et Y, compte-toi aussi parmi les morts, car si tu vas vivre 80 ans après eux, tu vas mourir. L'essentiel n'est pas de vivre beaucoup, l'essentiel c'est de vivre pour adorer Allah. Voilà la différence. Certains gens ont vécu 80 ans, ils n'ont jamais prié, ni connu Allah, ni rien. À quoi cela leur a servi de vivre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme Allah a dit dans le Coran, والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. Les kuffars, Allah Azza wa Jalla a dit, les kuffars يتمتعون. Ils font leur plaisir et leur tentation. Ils vivent pour cela. يتمتعون. ويأكلون كما تأكل الأنعام. Et ils mangent comme mangent les animaux. والنار مثوان لهم. Conclusion, la fin. Résultat, ils rentreront en enfer. Donc il a vécu ici pour manger et pour faire exaucer toutes ses tentations et ses désirs et ses passions, et il est mort. Donc celui-là, il a perdu quoi? Le grand examen pour lequel on a été créé. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Là, je l'ai dit, celui qui a créé la mort et la vie, le mort et la vie, ليبلوكم, pour vous tester, pour vous faire des épreuves. Ayyukum ahsanu amala. Quiconque de vous, yani, a des actions plus belles et plus parfaites et plus justes, etc. Naam. Je ne savais pas qu'il avait un point rouge. Donc, quiconque a vécu cette vie ici et n'a pas adoré Allah Azza wa Jal, c'est un grand, grand, grand malheur pour lui. C'est pour ça que moi, toi, tous, on doit jour et nuit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés vers l'islam. Naam. Pourquoi toi et moi, qu'avons-nous de spécial pour que Allah Azza wa Jalla nous ait choisi et nous ait rentré l'islam dans notre cœur? Qui sommes-nous? Pourquoi moi et pas celui-là X qui est mort mécréant? Pourquoi moi? Ça, on ne doit jamais l'oublier. on ne doit jamais oublier que Allah Azza wa Jal t'a voulu quelque chose que personne ne pourra te donner jamais dans cette vie. Il t'a voulu l'iman, il t'a voulu la foi, il t'a voulu son amour, il t'a voulu le paradis, il a voulu que tu le vois demain. Parce que ceux qui vont mourir mécréants, le plus grand châtiment, ce n'est pas seulement de rentrer en enfer pour ne plus en ressortir. Le plus grand châtiment, vous savez ce que c'est? C'est de ne pas voir Allah Azza wa Jal le jour du jugement dernier. Naam. Naam. C'est pour ça que les ulama ont dit, même si Allah Azza wa Jal va faire rentrer quelqu'un au paradis, et lui dit, écoute, je vais te faire rentrer au paradis à une seule condition, c'est que tu ne me verras pas. Ils ont dit, même s'il va rentrer au paradis, yani il va souffrir. À quoi ça sert que je sois au paradis, moi, pour, si je ne vois pas Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé? Moi, je ne veux pas seulement manger et profiter. Au paradis, je vais manger. Moi, je ne veux pas seulement cela. Je veux le plus grand plaisir, c'est de voir Allah Azza wa Jalla qui t'a créé. Quiconque de nous ne veut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, seuls les méchants ne veulent pas. Et ils ne veulent pas, là, je ne les veux pas aussi. Ne les veux pas. Donc, si tu veux faire des adorations, des vraies adorations, des adorations parfaites, n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ne l'oublie pas. Il faut à chaque instant que quelque chose d'Allah, ou bien son paradis, ou bien l'enfer, soit entre tes yeux. Soit entre tes yeux. Le vrai musulman, yani, il ne peut jamais oublier Allah Azza wa Jal. Ou bien il est en train de quoi? De faire des invocations. Il marche, il est dans le bus, il est dans la voiture, elle est dans la cuisine, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. La moindre des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, afdalul dhikr, les meilleures des invocations, afdalul dhikr, alhamdulillah. C'est difficile pour toi de dire alhamdulillah. C'est difficile de dire 100 fois alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah, comme ça, yani à voix basse. C'est pas la peine de faire entendre des gens. Moi, je le fais pour Allah. Je le fais pas pour qu'ils disent, il dit, et celui-là, il dit alhamdoulilah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça, c'est difficile. Afdalul dhikr. Le meilleur des invocations chez Allah. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bien sûr, il y a d'autres où il a dit afdal dhikr, mais ça, c'est l'un d'eux, afdal dhikr. C'est difficile. Tu dis seulement alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Peut-être que demain, ce sont ces 10-là qui vont te faire rentrer. Parce que quand on a fait la balance, on a trouvé qu'il manquait 10 hasanat. Il te manquait 10 bienfaits pour rentrer au paradis. Et maintenant, tu dis alhamdoulilah que j'avais fait. Je me souviens une fois, j'ai dit 10 fois alhamdoulilah. Alhamdoulilah, si je ne les avais pas dit, aujourd'hui, ça aurait été une grande mouchkila. Alors imaginez combien d'heures passent sans qu'on dise le dhikr. Combien d'heures? Il y a des ikhwa et des akhawat. Les ikhwa et des khawat qui ne font même pas de tahsinat. Ils ne font même pas les invocations du matin et les invocations du soir. Il y a les invocations du matin et les invocations du soir. Il y a des ikhwa et des khawat qui ne font jamais cela. Je vous dis moi une chose. Pourquoi y a-t-il 5 prières par jour comme ça divisées par le jour? Pourquoi on ne les fait pas toute la nuit? Justement, c'est pour ça, pour que Allah Azza wa Jal te dise, il ne faut pas oublier. Si elles étaient toute la nuit, à quoi ça sert? Tu passes 11 heures ou 12 heures sans, tout en oubliant Allah. Ensuite, tu vas te le rappeler pendant le quart d'heure où tu vas faire hadou les saints prières. Non, Allah a voulu, spécialement et sciemment, il a fait exprès pour que toutes les 2-3 heures, au moins, si tu ne faisais pas des invocations, au moins tu vas faire la prière. Au moins. Toi, tu es quelqu'un qui ne fait pas les invocations, qui s'oublie vite. Dès qu'il dit salam alaikum, khalas. Il oublie. Allah, il oublie l'islam, il oublie tout. Alors là, je t'oblige à faire les prières et oblige qu'elles soient à l'heure pour au moins, yani, te faire sortir un peu de ce bas monde. Pour te faire sortir comme ça, de force. Te faire sortir de force pour que tu te souviennes de Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, naam, il a dit, wattaqu da'wat al-mazlum. Wattaqu da'wat al-mazlum. فَإِنَّهَا مُسْتَجَبَ. Naam, avant cela, je me rappelle que le hadith sahih où Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu a dit dans un hadith sahih, il a à peu près ce sens, mais il est sahih, il a dit, إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَى. Il a dit, quand tu te réveilles le matin, n'attends pas le soir. Parce que quand tu te réveilles le matin, premièrement, tu dis Alhamdulillah qui t'a réveillé. Parce que ce n'est pas sûr, c'est pas tout le monde qui se réveille le matin. Car quand on dort, c'est l'Azawajal qui te fait endormir et ton âme est chez lui. Tu ne sais pas s'il va te la rendre ou il ne va pas te la rendre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se réveille, il disait Alhamdulillah, alladhi ahyani ou ahyana. J'ai oublié comment on dit le doua d'Alhamdulillah, alladhi ahyana. بعدما أمتنا وإلى النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإلى النشور الحمد لله كل عز وجل نوزي أحيانا نوزي ريسيشيتي pourquoi ريسيشيتي on était mort bien sûr que tu étais mort tu sais pas que dormir c'est la petite mort c'est pas un hadith qui dit ça le hadith est ضعيف mais c'est vrai dormir c'est la petite mort car quand tu dors tu ne sais pas Allahu a'lam si je vais me réveiller ou je vais pas me réveiller se trompent beaucoup ceux qui avant de dormir il croit qu'il va en faire beaucoup de choses demain. Tu ne sais pas, Wallah, tu ne sais pas. L'Azawajal a dit dans le Coran, هو الذي يتوفاكم بالليل. C'est lui qui vous fait mourir la nuit. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ Et il sait ce que vous faites le jour. Donc la nuit quand tu meurs, ton âme sort de toi et commence à monter vers Allah subhanahu wa ta'ala et son ascension sera beaucoup plus haute ou bien plus basse d'après ta piété, d'après ta sincérité, etc. Si tu es pieux, etc. Plus elle monte, plus tu vois dans les songes des choses d'Allah, des choses qui te plaisent, etc. Plus elle monte pas, plus elle est basse, plus elle reste seulement sur ta tête, plus on passe la nuit avec le shaitan, on passe la nuit avec des femmes, on passe la nuit avec dans des bars, etc. Dans le songe, Allah subhanahu wa ta'ala, al-afiya. Ensuite, Abdullah ibn Omar a dit, wa idha asbahta fala tantadhir al-masa, wa idha amsayta fala tantadhir al-sabah. Et quand tu te lèves le matin, n'attends pas aussi le soir, tu ne sais pas si tu vas rester jusqu'au soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est monté voir dans le tableau préservé d'Allah subhanahu wa ta'ala que moi je vais vivre jusqu'au soir? Personne ne le sait. Tous vous connaissez, même moi j'ai un ami, une fois il s'est endormi, ça s'est beaucoup passé, hadith, ça s'est beaucoup beaucoup passé. Il s'est endormi le matin, on est allé le réveiller, il était mort. Subhanallah al-Azim, il était mort. Il s'est endormi pour ne plus se réveiller. Toi, toujours avant de t'endormir, n'oublie pas de lire le Coran. N'oublie pas si tu peux de remercier Allah Azza wa Jal, de lui dire Ya Allah, je te remercie. Aujourd'hui, je n'ai fait, alhamdoulilah, aucun grand péché. Je n'ai bu ni l'alcool, ni fait la fornication, ni rien. Alhamdoulilah, Ya Allah, hada min indik, ça c'est de toi. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui suis intelligent. C'est pas moi qui suis fort, etc. J'ai fait cela. C'est toi qui m'as aidé. Ya Allah Ta'ala, toi, si tu me laisses seulement une seconde, je coule. Tu me laisses seulement une seconde, je coule. Je vais aller dans l'autre chemin. C'est toi qui me guides, c'est toi qui m'a fermé mon cœur, c'est toi qui me guides et tu le remercies pour ces choses-là. Car la Zawajal, huwa alladhi tafaddala alayka bihadhihi al-umur. Tafaddala alayk. Et ensuite, le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith, dans la fin de ce hadith, il a dit وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُسْتَجَابَ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُسْتَجَابَ Et attention, a dit le prophète عليه السلام, attention, da'wa. Da'wa, c'est quand quelqu'un fait un dua contre toi, tu fais quelque chose, tu lui vends de l'argent là, il dit quelque chose, il dit Ya Allah, donne-lui un coup, Ya Allah, donne-lui une maladie, ça s'appelle da'wa. Le prophète عليه السلام a dit attention, da'wat al-mazlum. Attention, tu fais d'injustice à quelqu'un, il va faire un dua contre toi. Attention. Et l'Azawajal n'aime pas qu'on fasse des dua contre quelqu'un, sauf dans une seule condition, l'opprimé. Naam. L'Azawajal n'aime pas qu'on fasse des dua contre quelqu'un, sauf dans une seule hala, sauf une seule situation, laquelle, quand tu es opprimé. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl. Illa man zulim. Regardez le verset est clair. La yuhibbu Allah al-jahra min as-su' min al-qawl. Al-jahra bis-su' min al-qawl. Allah Azza wa Jalla n'aime pas les doua contre les autres. C'est ça le jahra bis-su'. Illa man zulim. Sauf pour celui qui est opprimé. Celui qui a été opprimé. Il veut lever ses mains et faire un doua contre quelqu'un, il peut le faire. Il peut le faire et c'est permis. Par le verset et par le hadith. Car ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aie peur. Crains la da'wa de l'opprimé. si tu as dit crains-la, ça veut dire que qu'elle se fait. Ça veut dire qu'il est possible qu'il fasse des doigts contre toi. Donc l'opprimé Adam, il faut bien en prendre garde. Mais là, je vais à tout. Il a dit فَإِنَّهَا مُسْتَجَابًا. Il a dit, elle est exaucée. Et dans un autre hadith, il a dit, elle monte comme une étincelle vers Allah. Il n'y a pas de voile ou de barrière entre Allah et entre elle. Elle monte directement. Et dans un autre hadith, Allah Azza wa Jalla, quand elle la verra monter, il dira la ansurannaka ba'da hin. Et Allah Azza wa Jalla, c'est comme s'il se jure à lui-même que il va yani exaucer le doua de celui qui a fait ce doua. Walou ba'da hin, yani même si rien ne t'arrive maintenant. On peut par exemple voler quelqu'un, il fait un doua contre nous, il nous arrive rien. On dit alhamdoulillah, yani il nous est rien arrivé, etc. Mais toi, tu ne sais pas que dans 5 ans, là, tu as oublié que tu as volé ou que tu as fait quelque chose. Dans 5 ans, il va t'arriver un très très grand problème. Ce problème-là est venu à cause du doigt de cette personne. Naam, l'Azéou t'a fait oublier. Tu as cru que ça y est. Alhamdoulilah, il n'y a rien. Tu n'as pas fait de repentir. Tu n'as pas rendu l'argent à celui qui t'a volé. L'Azéou t'a laissé pour voir qu'est-ce que tu t'as fait. L'Azéou dit yumhil wa la yuhmil. Il laisse comme ça pour te donner l'occasion. Et puis, quand il a vu que tu as oublié, que tu ne veux pas faire le repentir, tu ne veux pas rendre l'argent volé, alors là, il va te faire descendre quelque chose. Le vrai croyant, il va dire, il va reconnaître, il va dire ça. Ben, je me souviens, Ada, parce que j'ai fait une grande faute. Et l'autre, bien sûr, il ne va pas comprendre. Et il ne va pas faire le repentir. Ensuite, j'ai trouvé dans un autre hadith, sahih aussi, dans Cheikh Al-Albani, où il va dire, où le prophète Ali Sassam a dit, ittaqu da'wat al-mazlum, craignez l'invocation de la personne opprimée, wa in kana kafiran, fa innahu laysa dunaha hijab, hadith Hassan, un bon hadith. Craignez l'invocation de l'opprimé, même si c'est un kafir. Kafir, kafir. Si c'est un kafir, un mécréant, Allah, il a dit, فَإِنَّهَا لَيْسَ دُونَا حِجَابِ. Il n'y a pas de barrière ou de voile entre elle et Allah. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Ce hadith va briser le dos des takfiriens et des autres qui disent que le kafir, tu peux faire n'importe quoi avec lui. Tu peux lui voler son argent. Tu peux lui tremper sa femme, tu fais n'importe quoi. Pourquoi? C'est un kafir. C'est un kafir, il va aller à Jahannam. À quoi ça me sert? Je rentre dans le monoprix, je vole des choses. Pourquoi tu voles? C'est un kafir, le propriétaire du monoprix, c'est un kafir. Je suis en France. Celui-là, c'est un musulman. Moi, je vole le kafir. Vole le kafir. Tu ne sais pas que le kafir, s'il fait un doua contre toi, que Allah Azza wa Jalla exauce son doua. Si tu le savais, dis Alhamdoulilah, si tu le savais pas, apprends-le maintenant. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te le dit, c'est pas moi. Il te dit le kafir, quand il est opprimé, il fait un doua contre toi, il est exaucé. Pourquoi? Parce que c'est pas Allah Azza wa Jalla aime le kafir. Allah Azza wa Jalla parce qu'il n'aime pas l'injustice. D'où qu'elle vienne? L'injustice, d'où qu'elle vienne? Elle vient du croyant, Allah Azza wa Jalla n'aime plus ce croyant. Elle vient sur un kafir, Allah Azza wa Jal va aider ce kafir et lui faire quelque chose. Il va quoi? Il va lui exaucer son invocation. Donc, si quelqu'un, bien sûr, va nous dire, mais Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, il a dit, وَمَا دَعْوَةُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي دَلَالٍ. وَمَا دَعْوَةُ الْكَفِرِينَ, un verset comme ça, دُعَى الْكَفِرُونَ إِلَّا فِي دَلَالٍ, ou quelque chose comme ça. On va lui dire ça c'est un verset, mais ça veut dire ici quoi? Ça veut dire le jour du jugement dernier. C'est comme ça qu'on dit les ulama. Ils ont dit le jour du jugement dernier, ça, leur dawa, yani, elle ne sera pas acceptée. Mais ici dans cette vie, elle sera acceptée par le hadith sahih. Si toi tu crois au Coran, qu'il a dit elle ne sera pas acceptée, je te dis que le Coran lui-même t'a dit de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle sera exaucée. Tu n'as qu'à dire sami'na wa ata'na. Tu n'as pas autre chose. Tu dis naam, d'accord, sami'na wa ata'na. Non, comme a dit l'Azul, wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal. Voilà le verset, pardon. Wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal. Naam. Ali ibn Kathir, Qurtubi, vous trouverez que du'a ul kafirin leur invocation. Fi dalal, c'est, elle est dans l'égarement, ça veut dire le jour du jugement dernier. C'est ça le salafi, il ne traduit pas de sa tête. Il traduit d'après ce qu'on dit les ulama et d'après ce qu'on dit asatin sharia. Ensuite, les salafis joignent entre le Coran et le Hadith. Ils ne disent pas seulement ce qu'il y a dans le Coran. Ils disent ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans le Hadith. Je crois que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais m'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. Je voudrais seulement vous dire une ou deux choses avant de vous donner la parole à des questions. Naam. Astaghfirullah, tu voulais. Inch'Allah Ta'ala va se rencontrer dans 2 ou 3 minutes pour les questions. Inch'Allah Ta'ala, le prochain dars, il aura lieu Inch'Allah jeudi prochain, vendredi prochain. Demain Inch'Allah Ta'ala, je serai absent pendant 5 ou 6 jours. Le prochain dars Inch'Allah, il sera jeudi prochain ou vendredi prochain Inch'Allah Ta'ala. On se rencontre Inch'Allah dans 2 ou 3 minutes. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل فيه صوت اسكو فيه صوت نعم جزاكم الله خيرا commencer par quelque chose. Je commence à, avant de commencer les questions, qui seront bien sûr un temps très court pour pouvoir dormir, etc. Je voudrais dire que d'abord, tout à l'heure, ça fait 5 minutes où là je viens de bouncer quelqu'un, ça ici, parce qu'une sœur m'a écrit, il écrivait des insultes, il les envoyait des insultes en PV. Moi je vous ai dit, chère sœur, laissez les PV bloqués. Même les frères, laisse le PV bloqué dans la salle, comme ça personne ne te dérange. Personne. Voilà, quelqu'un va te dire quelque chose, il va t'embrouiller. Il va te faire dans ton cœur un des machèques. Ensuite, le dors, tu ne vas pas être tranquille. Bloque le PV, quand tu termines le dors, si tu veux l'ouvrir, ouvre-le. Hadi Wahda, Tanyin, je n'excuse. Comment on les bloque, ça, comment on les bloque, c'est bien. Pour le bloquer, tu rentres maintenant il y a la salle qui est ouverte et il y a aussi le paltok, pas la salle, pas dans la salle, dans le paltok qui est aussi avec la principale, tu vas, c'est écrit setup. Regarde, c'est écrit file action setup. Est-ce que tu vois là, où je suis? Ensuite, c'est écrit, bon, file, action, c'est tout. Ensuite, c'est écrit préférence. Il y a du sang, n'âme. Il n'y a pas de sang chez vous, chez moi, il y a du sang. Ilyas dit, il n'y a pas de sang. Est-ce qu'il n'y a pas de sang? Il y a du sang. N'âme. Ma soeur, tu rentres dans, c'est écrit paltok. N'âme, voilà. Ensuite, c'est écrit c'est top. Ensuite, préférence, tu rentres dans préférence. Quand tu cliques sur préférence, tu cliques sur privacy, mukto privacy on a, mukto privacy, nam. Ensuite, tu cliques sur la troisième en bas. Allo contact from pal is only. Voilà, la troisième. Tu écris allo contact from pal is only. Ensuite, en bas tu écris OK. En bas tu écris OK. Inch'Allah Ta'ala. Personne ne pourra te contacter. Quand tu veux ensuite le rouvrir, tu vas là-bas et tu le rouvres, Inch'Allah Ta'ala. Fiki Barakallah. Amen. Ensuite, pour l'Ikhwa et l'Akhawat qui ont avec le problème de la publicité, n'oubliez pas d'installer avec le programme de la publicité. Admin Sharad. S'il y a quelqu'un qui l'a ici, il met sur la fiche pour que les frères et les sœurs n'aient pas les choses ado obscènes. Des choses que Allah Azzawajal n'aime pas. Comme ça, tu ne peux rien voir comme publicité. Alhamdulillah. Ensuite, autre chose, je vois le nom de Oum Aliya ici. Oum Aliya. Non, je la vois ici. On m'a dit hier que tu n'étais pas avec nous quand j'ai donné les réponses du contrôle de l'examen. Par malheur, quand tu m'as envoyé quand tu m'as écrit sur le Hotmail, il ne m'est rien arrivé. Il m'est arrivé seulement quelque chose de vide. Il n'y a pas de, y a rien avec. Il n'y avait pas le contrôle. Voilà ce que je veux dire. D'accord, je vais mettre ça sur la fiche. Là, copier. Voilà, il y a une sœur qui m'a écrit. Là, je crois que c'est pour la publicité. Là, Salama, je crois que c'est pour la publicité. Vous rentrez, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, vous vous installez. Ensuite, je voulais dire autre chose avant de terminer, de commencer. Riyad m'avait posé une question sur le Paltok. Je veux te dire, Riyad, je vais voir d'abord si tu es avec nous. Je vais voir d'abord, car je commence toujours par ce qui m'a envoyé. Ensuite, par cela. Riyad, il est là. Naam. La peinture, Inch'Allah, tout qu'il a Allah. Inch'Allah, ta'ala, il n'y a pas de problème pour la peinture. Tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Reste le papier peint il est makruh, il n'est pas haram. Le papier peint, il est makruh. Si tu le fais pas, tu as un ajr. Si tu le fais, tu n'as pas d'ithm, inshallah ta'ala. Abu Mouad, s'il est là, il m'a demandé une fois de. Quand je concerne la faculté avec d'Alger, je dis que. Non, c'est pour les plus barclovés. Je dis que. Je dis que Yannick, si tu n'as que la faculté d'Alger, il vaut mieux que rien. Il vaut mieux que rien, bien sûr. Là-bas, il y a aussi des salafiyins, il y a enfin, dans la faculté, il y a les salafiyins, tu peux côtoyer Yannick Inch'Allah Cheikh Mohamed Ferkous, il y a des ikhwa salafiyins. Inch'Allah tu côtoies les salafiyins, puisque tu ne peux pas aller ailleurs. En ce qui concerne, quelqu'un m'avait demandé, j'ai oublié qui, j'ai oublié son email, il m'a dit où peut-on trouver le nom des prophètes. Je dis, le nom des prophètes, c'est Mishkat al-Masabih, qui sont 124 315 nabis. Tu vas au Mishkat al-Masabih de l'Albani, hadith numéro 5737. Hadith 5737, tu trouveras le hadith sahih qui dit que il y a 124 000 Nabi et 315 messagers. Bon, voilà. Tout que Allah subhanahu wa ta'ala, on commence Allah par Faslul Kitab. Je demande Inch'Allah ta'ala que vous n'écriviez qu'un seul, Inch'Allah ta'ala, vous ne posez qu'une seule question. Barakallahu fikum. Faslul Kitab. Non, on commence à faire les cours qui ont rapport avec le dars. Attends, Inch'Allah, barakallahu fik. Non, attends, Inch'Allah, barakallahu fik. Donc, c'était qui c'était pas parce que Inch'Allah, ta'ala. Om Aliya, tafadbali. Connaissez la règle quand quelqu'un parle. Il me dit, salam alaikum, est-ce que vous m'entendez, Cheikh? Si je lui donne le message qui est en haut, soit salafi, etc., ça veut dire que je suis en train de détendre, pour ne pas lui répondre à chaque fois. Oumalia, j'ai bien compris le dernier hadith authentifié par Cheikh Al-Albani par rapport à l'opprimé. Est-ce que le hadith précise même les invocations des kuffars qui sont opprimés, éprimés, ou est-ce qu'il dit seulement l'opprimé en général? Non, mais il a dit l'opprimé en général. L'opprimé, quiconque est opprimé et fait un da'wah, il est exaucé. Quiconque est opprimé, il fait une dawa, elle est exaucée, pardon. Naam, quiconque, s'il est musulman et il fait une dawa, Allah Azzawajal va l'exaucer cette dawa, Inch'Allah Ta'ala. Si c'est pas bien compris, tu reposes Inch'Allah Ta'ala la question. Bilal, tafadhali. Kuffar, naam, kuffar. Non, un kafir, il fait une dawa contre un musulman, elle est exaucée. Elle fait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute bien, Ours Oumaliya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ittaqu, il parle des musulmans, ayez peur et craignez l'invocation du kafir, s'il est opprimé. Donc, maintenant, si un musulman va faire une invocation contre un musulman, c'est encore pur, c'est encore pire. Donc, le kafir, si son invocation est exaucée, comment celle du musulman contre le musulman ne serait-elle pas exaucée, ou bien du kafir contre le kafir? Wallahu ta'ala alam. Bilal, j'attends ta question, ta favori. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بون. Vous avez dit dans un autre cours que les rêves qui se réalisent étaient signes de possession ou de sorcellerie. Je fais agrandir un peu l'image. Allez. Vous avez dit dans un autre cours que les rêves qui se réalisent étaient signes de possession ou de sorcellerie. Et aujourd'hui, vous me dites que c'est un signe de piété. Pouvez-vous me reconfirmer ou me l'expliquer? Ou même rectifier si j'ai mal compris. Naam, je crois, ma sœur, que tu as mal compris. Je crois que tu as mal compris. J'ai dit que le rêve, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alhamdoulilah tu as posé cette question pour éclaircir, se divise en trois. Il y a seulement trois rêves, trois songes. Il y a celui qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te vois dans le rêve, dans un paradis, là tu entends quelqu'un qui te parle, qui te dit par exemple... Toi, tu es une personne qu'Allah aime, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un rêve qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas obligé qu'il soit, qu'il parle seulement du paradis, etc. Même il te parle de quelque chose ici dans cette vie, mais qui va être exaucé. Par exemple, tu es dans des problèmes, etc. Il y a quelqu'un qui te dit dans le songe, la takhaf, n'aie pas peur, et le mushkil a dit, le problème, inshallah, est réglé. Et, inshallah ta'ala, hada, c'est un grand signe minallah subhanahu wa ta'ala qui veut t'aider, qui t'a veut yani raffermir ton cœur, il t'a fait montrer ça en songe. Le premier songe. Le deuxième songe, comme a dit le hadith, c'est le songe du shaitan. Le shaitan, quand quelqu'un voit dans le songe des gens avec des poignards en train de courir en train de lui, il voit qu'il tombe d'un immeuble, il voit qu'il est en train de faire le péché avec une femme, tout ça c'est du shaitan. Et le troisième, c'est quand on voit quelque chose, ça s'appelle hadith nafs, qui a rapport avec ce qu'on a vu dans la journée. Par exemple, on a beaucoup faim, on est passé dans la rue, on a jeté comme ça les yeux dans un restaurant, on a vu quelqu'un en train de manger, je ne sais pas quoi, des choses, yani qu'on aime la nuit, quand tu fais le songe, tu te vois en train de manger de la dinde farcie. D'où elle est venue cette dinde? Elle est venue de ce que tu as vu le matin. Maintenant, j'ai dit que quand quelqu'un voit dans le songe beaucoup, tout le temps, il voit des chiens, il voit des serpents, il voit des chiens qui sont toujours avec lui et des serpents, j'ai dit que ça, c'est un délit que ce quelqu'un est ensorcelé. Le chien, surtout le chien noir dans le songe, et le serpent, le grand serpent qui te fait réveiller la nuit, au point de crier, etc. Ça peut être un dalil que la personne est ensorcelée. C'est pour ça qu'elle doit faire une ruqya pour voir son cas. Incha'Allah ta'ala, voilà ce que j'ai dit. Apprends le bien et Allah ta'ala a'lam. Umm Ikram tafaddali. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Sachant que le ghusl est un devoir qui doit être fait aux morts, je voulais savoir si les musulmans qui meurent en masse, en Palestine par exemple, sont lavés ghusl ou bien s'ils sont enterrés dans l'état où ils meurent. Si celui qui meurt, par exemple comme en Palestine, et il est tué par les juifs, et s'il est considéré comme shahid, un shahid, on ne le lave pas. Un shahid, on ne lave pas. Un shahid, si on veut, on fait la prière sur lui. Si on veut, on ne la fait pas. mais le lavage halal, on ne le lave pas. Le shahid, on ne doit pas le laver. C'est pour ça que là-bas, ils ne le lavent pas, car ils disent qu'il est mort shahid. C'est comme ça qu'ils disent. Ils disent qu'il est mort shahid, ou bien qu'ils sont enterrés dans l'état où il meurt. Quiconque meurt dans un endroit, la sunna dit qu'on l'enterre dans cet endroit. Si quelqu'un meurt en France, il est musulman, on ne l'emmène pas en Algérie. On le laisse dans l'endroit où il est mort et on l'enterre avec des musulmans, avec maqbara de musulmans. Wallahu ta'ala a'lam. Sakina tafaddali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai entendu dire que certaines personnes qui sont au paradis ne verront pas Allah, et que le paradis sera éclairé par la lumière d'Allah, car il n'y aura plus de soleil aspiré. La fin de la question est vraie. Au paradis, il n'y a pas de soleil, ni d'ombre, ni de pluie, ni de rien. Au paradis, il y a un nour, il y a une lumière que Allah Azza wa Jal fera. Naam, c'est une lumière que Allah Azza wa Jal mettra au paradis. Car on a dit que le paradis, il n'y a rien dans le paradis qui, par exemple, fait mal. Et le soleil, il fait mal. Tu peux regarder le soleil, tu as mal aux yeux. Donc, on a des larmes, etc. Donc, le soleil... Peux-tu me confirmer que Cheikh Al-Albani ne connaissait pas le Coran? Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Je n'ai pas compris. Donc au paradis, il n'y a pas, j'ai dit, il n'y avait pas de soleil. En ce qui concerne la première question, le début de la première question, il est faux. نعم جزاك الله خير نعم عبد الله فصل الخطاب tu m'as posé une question alors que j'étais en train de répondre tu m'as posé une question alors que j'étais en train de répondre dans cette salle il y a l'organisation barakallahu fik. Quand je donne à quelqu'un la parole, il parle. Quand je lui donne pas, il attend. Il attend son tour. Barakallahu fik. Il attend son tour. Tu étais premier. D'accord. Si tu étais premier, je t'ai passé. Excuse-moi. Laisse-moi terminer alors cette question. Afin que yani, ça ne m'embrouille pas. Je disais que ceux qui disent qu'on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, C'est une secte égarée. Car le Coran a dit, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ Il a dit dans le Coran, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ Il a dit, وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَزِيَادَ Ça veut dire, زِيَادَ a dit, c'est regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui rentre au paradis et qui ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a seulement les kuffars qui ne vont pas le voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas rentrer au paradis. Quiconque rentrera au paradis vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais peut-être, ça, il y a la piété qui va jouer un grand rôle. Peut-être certains le verront très souvent, et d'autres peut-être de temps en temps, et ainsi de suite. C'est sûr qu'il y aura la différence d'après la piété. Mais au moins une fois au moins, tous les musulmans qui rentreront au paradis verront Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui t'ont dit on ne voit pas, c'est la secte égarée, et des Mu'tazila et des autres qui disent qu'Allah azza wa jal, et on le verra pas le jour du jugement dernier. Quand je parlais de quand on voit les choses, quand on voit en songe et que quand on voit des chiens, etc., j'ai bien dit on doit faire yani une ruqya pour être sûr seulement, yani c'est pas toujours on est ensorcelé, car comme Abdullah 15 m'a fait maintenant une remarque, pour pas que les gens, yani, maintenant ils vont tous avoir peur, ils vont tous courir chez le l'akhor pour la ruqya. J'ai dit que quand ça vient très souvent Tous les 2-3 jours, on voit un chien noir. Tous les 2-3 jours, on voit un chien qui veut nous mordre, etc. Pour être plus sûr, on fait la ruqya, c'est tout. Mais on va pas faire le ouswas. Quiconque a vu un chien ou là dans sa vie, il va dire, khlas, je suis ensorcelé. C'est pas ce que j'ai voulu vous dire. Barakallahu fika, akhi Abdullah. On revient à Faslul Khitab. Par que 76, la fin de mes mois, j'étais premier de mon rôle. Akhi Faslul Khitab, ce que je sais, Allah Ta'ala alam, et ce que j'ai entendu dire, c'est que Cheikh Al-Albani, rahmatullah, n'apprenait pas tout le Coran. C'est comme tu l'as dit. Apprendre tout le Coran n'est pas une obligation. Et ce n'est pas une condition nécessaire pour devenir alam. Et plusieurs ulamas ne connaissaient pas tout le Coran. Être alam, c'est comprendre le Coran et la sunna. Ce n'est pas apprendre. C'est comprendre le sunna, la sunna et le Coran. Bien sûr, Cheikh Al-Albani connaît beaucoup, beaucoup du Coran, mais il ne connaît pas tout. Et beaucoup de compagnons, le sahaba radiallahu ta'ala, n'apprenaient pas tout le Coran. Et l'apprendre, ce n'est pas une condition nécessaire. Condition nécessaire, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le Coran pour te baser sur le Coran et de savoir ce qu'il y a dans les hadiths pour connaître la sharia. Wallahu ta'ala alam. Il est 1406, tafadhali. Quand elles sont pour le même sujet, tafadhali, puisque c'est dans le même sujet, tafadhali. La première question dit, wa alaykoum salam, est-ce considéré comme mensonge lors d'une discussion avec des gens de dire avec l'intention je vais faire telle chose et telle chose, mais après seul, tout compté, on décide de ne pas faire ce qu'on a dit. Pour la première question, quand quelqu'un est avec des gens, ensuite il sait qu'il est en train de perdre son temps, il peut dire, il n'a pas menti. Il dit, pardon, mais je suis occupé. Hein? Pardon, je suis occupé, je dois vous laisser. Ça, il est occupé de quoi? Il est occupé de Yanni. Pourquoi? Parce que Allah lui a demandé de ne pas perdre ton temps et de te séparer des gens qui te font perdre le temps. Donc il dit, voilà, je suis occupé, ça veut dire qu'il va faire quelque chose que Yanni, c'est bénéfique, quelque chose que Allah aime. C'est pour ça que quand il va dire je suis occupé, pardon, je dois partir, ça veut dire que vraiment ça, il est occupé. De quoi il est occupé? Il est occupé d'aller apprendre son din. Il est occupé d'aller faire ses devoirs qu'il n'a pas fait. Il est occupé d'aller faire la cuisine, etc. Il est occupé dans ce sens, il n'a pas menti. Mais ce qu'il est interdit de dire, c'est que de dire la chose, par exemple, pardon, je dois aller chez mes parents alors qu'il sait qu'il ne va pas partir. Pardon, il y a quelqu'un qui m'attend. Alors qu'il n'y a personne qui l'attend. Ça, il rentre dans le mensonge. Et quand il dit qu'il est occupé, ça veut dire qu'il fait dans l'intention dans son cœur que les gens à dos ils sont en train de me perdre le temps. Donc lui, avant de se lever, il dit, dans son cœur, il dit, moi je vais aller ailleurs, je vais lire le Coran. Là, il leur dit, pardon, je suis occupé, et il se lève. Pour la deuxième, que doit-on faire dans le cas une personne critique une personne devant nous et la personne critiquée nous demande si cette personne l'a critiqué, que doit-on dire? Doit-on répondre non, elle n'a pas critiqué, ou que nous devons dire si? Dans ce cas, faut pas mentir, pas cacher ce péché. En ce qui concerne la deuxième question, de préférence, on ne dit pas à quelqu'un que X t'a critiqué s'il le fait par exemple, il l'a fait une fois. Pourquoi? Pour ne pas faire entre les musulmans la fitna, pour ne pas faire la fitna, mais le musulman doit yani yudafi an akhi, ça veut dire il doit dire à cette personne, Allah, X n'est pas comme tu crois toi, cette personne dont tu es en train de parler, Allah, elle a des qualités, je la connais bien, etc. Si elle ne peut pas faire cela, elle ne peut pas dire cela, il faut qu'elle se lève et qu'elle parte, car elle va assister à quelque chose que l'Azawajal n'aime pas et elle n'a pas essayé de défendre. Voilà. Il faut que tu défendes si tu peux défendre. Tu défends. Si tu défends pas, l'Azawajal t'a donné une issue. Laquelle? C'est te lever. Te lever, dire pardon, j'ai quelque chose à faire et tu te lèves et tu pars. Car tu choisis toujours entre deux choses. Ou bien défendre ou bien te lever. Si tu ne défends pas ou tu ne te lèves pas, tu rentres dans le péché. Car tu es en train d'écouter à la médisance. Tu es en train d'écouter à la... Maintenant, si cette personne fait beaucoup de... Yani, elle fait ça tout le temps, hein, tous les jours, elle critique, etc. Si tu dis à l'autre personne, tu lui dis, voilà, fais attention à cette personne, elle parle beaucoup dans ton dos là, Inch'Allah ta'ala, tu n'as pas fait de ithm. Parce que tu veux la mettre en garde, cette personne, contre un pervers. Car quelqu'un qui fait... C'est quoi le pervers? Un fesseur. C'est quoi un fesseur? C'est quelqu'un qui fait un grand péché, comme la médisance, ou bien qui fait un petit, mais en fait beaucoup. Tout le temps, il le fait. Celui-là, il devient pervers. Donc, Inch'Allah ta'ala, j'espère que tu as compris. Inch'Allah ta'ala, Wallahu ta'ala, a'lam. Umm al-Hassan, tafaddali. Walaikum salam, j'aimerais savoir les deux dernières garanties des six choses. Le prophète sallam a garanti six choses qui font rentrer au paradis. Donc peut-être, j'ai lu seulement quatre. Je ne sais pas. Laisse-moi voir une seconde le livre. Peut-être j'ai dit quatre sans le vouloir, je ne sais pas. Je vais voir. Alors. Oum al-Hassan. Fiki barakallah. Oum al-Hassan, il a dit, garantissez-moi 6, vous allez rentrer inchallah au paradis. Premièrement, ne pas mentir. Deuxièmement, au fou quand tu donnes un rendez-vous, etc., ne le manque pas. Troisièmement, on te laisse quelque chose chez toi, MNA, on va en voyage ou là, tu la rends, hein, tu dis pas, tu m'as rien donné. Quatrièmement, ihfadou furujakum, ce concerne le membre. L'homme et la femme ne fait rien seulement avec le mari. Cinquièmement, voilà le cinquième, tu ne vois pas avec tes yeux le haram. Avec tes yeux, tu ne vois pas le haram. Quand tu marches dans la rue et tu vois quelque chose de haram, tu baisses les yeux. Sixièmement, avec tes mains, ça veut dire ne sois pas injuste. Avec tes mains, tu vas frapper quelqu'un qui ne mérite pas d'être frappé ou là, frapper quelqu'un avec un couteau. Là, ces mains-là, on doit les laisser seulement pour faire des choses que l'Allah Azzawajal aime. Voilà les six choses, Inch'Allah Ta'ala. Saïd 91, tafaddal barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La mosquée où j'habite font la salat Isha très tôt. Dois-je la faire chez moi à l'heure ou à la mosquée? Connaissez-vous Cheikh Bachir, à Noisy le Grand? À Noisy le Grand. Si oui, qu'en pensez-vous? Il y a des frères célèbres qui critiquent comme Sidati ou Farid de Mecca. À la première question, la mosquée où j'habite, ils font la salat très tôt. Si toi, tu es convaincu que la salat qu'ils font, elle est très tôt, ce n'est pas à l'heure, l'heure n'est pas montrée, tu peux faire la salat de Isha à l'heure. C'est-à-dire que tu vas avec eux, tu fais la prière, eux, Isha, et toi, Nafila, eux, ils font la Isha, et toi, dans ton intention, tu fais la Nafila. Et ensuite, tu vas à la maison, tu attends un peu, et tu fais la Isha à l'heure, quand tu sais que son heure est rentrée, si tu es convaincu que le moment où ils l'ont fait, ce n'était pas son heure. Donc, tu peux la faire avec eux. Nafila, et à la maison, tu l'as fait Isha, toi, avec ton frère, ou avec ta femme, ou avec quelqu'un si tu peux, sinon seul. Ensuite, le frère Bachir, à Noisy, je ne le connais pas, c'est la première fois que j'entends parler de lui. Wallahu ta'ala, a'lam. Chef du 59, tafaddal. أم الحسن فيك بارك الله وسعيد وفيك بارك الله عز وجل. إن شاء الله يلغز 10 مينوت تم الله جو ترمي إن شاء الله دون 10 مينوت attends 10 minutes, j'ai quelque chose à te dire, Inch'Allah. Attends 10 minutes. Inch'Allah, Jazakallah khair. Bon, chef du 59, a un peu tardé. Hein. On va Ibn Islam. Tafadhal, Ibn Islam, le temps que l'autre écrit. Walaikum salam wa rahmatullah. L'eau dans le rêve, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en général, l'eau c'est quelque chose de bien, car l'eau purifie, car de l'eau, toutes les créatures ont été créées, et ça dépend l'eau là où on l'a vu. On l'a vu en train de, par exemple, de se laver avec de l'eau, ou là en train de faire, de nager dans l'eau, etc. Mais en général, l'eau, Inch'Allah ta'ala, quelque chose qui est bien, qu'Allah aime, et que c'est quelque chose qui purifie, c'est quelque chose qui purifie. Je n'oubliais pas de dire très vite que je voulais boire. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, comme ça exactement, et ça veut dire, Inch'Allah ta'ala, que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien, car l'eau, c'est aussi la fitra, c'est aussi la fitra, et c'est peut-être que, Inch'Allah ta'ala, peut-être que tu vas boire du ilm, Inch'Allah ta'ala. Peut-être que tu vas boire du ilm, car avec l'eau, on revit. Hein? L'eau, l'Azza wa Jal, fait tomber la pluie pour, Inch'Allah, faire revivre la chose. Inch'Allah ta'ala, peut-être que tu vas, Inch'Allah ta'ala, avoir du ilm et, Inch'Allah, le donner aux autres. Inch'Allah ta'ala. Je voulais seulement ne pas oublier de dire très vite comme ça que ne croyez pas, barakallahu fikoum, soyez des vrais salafis, Inch'Allah ta'ala, ne croyez pas, et ne soyez pas, Inch'Allah, ne vous laissez pas duper par ceux qui vous disent, à chaque chose, il y a une traduction dans le songe. À chaque chose, tu grattes ta tête, ça a un sens. Et tu vois quelqu'un rouge, bleu, noir, vert, violet, toute chose a un champ, a un sens. Tout cela n'est pas vrai, barakallahu fikoum. Tout cela n'est pas vrai, barakallahu fikoum. Il y a même des gens qui passent à la télévision, etc., qui expliquent les songes comme ça. À toute chose, ils donnent une solution. Ça, c'est pas vrai, barakallahu fikoum. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, lui, des fois, il interprétait le songe au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui disait, dans ceci tu as dit vrai, dans ceci tu t'es trompé. C'est Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Des fois, il connaît pas le sens. Comment cela, il te connaît le sens de toute chose. Dieu dit toute chose. Il y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Si tu rentres, ça veut dire ceci. Si tu sors, ça veut dire ceci. Si tu montes, ça veut dire ceci. Si tu descends, ça veut dire ceci. Si c'est la poule, c'est ceci. Le coq, autre chose. La vache, autre chose. Le sanglier, autre chose. Toute chose. Subhanallah al-Adim. La hawla wa la quwwa. Le vert, c'est ceci. Le bleu, c'est ceci. Le marron, c'est ceci. Le violet, c'est ceci. Wa shahada, min hada. D'où tu as tout cela. Donc, soyez, Inch'Allah ta'ala, à la haine. Ne vous laissez pas tromper, Inch'Allah ta'ala. أخي أبو أحمد تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. بالنسبة للرقية الشرعية، هل عندكم طرفة مفيدة؟ حكاية مفيدة لنستفيد منها. الرقية هذه والله جلي فات بوكو داني، جلي براتيكي بوكو داني، اي جي بيان سور او بوكو كونتاكت افيك لي جن هادو، اي اوسي بوكو دمشاكل. جو دون، استغفر الله وتوب اليه، جو دون ان كونساي ا تو مي فرار. Car je sais que les sœurs ne pratiquent pas la ruqya. Je donne un conseil à tous mes frères, Inch'Allah ta'ala, qui peuvent, je dis qui peuvent, hein, Inch'Allah ils peuvent, de ne pas pratiquer la ruqya. Et si vous la pratiquez, vous apprenez comment la faire, pour la faire seulement, par exemple, pour vous, là, pour la famille ou là. Mais de ne pas à faire comprendre les gens, yani, ça devient un travail. Ça devient un travail. Tous les soirs, vous devez aller faire la ruqya, car premièrement, ça va vous perdre un grand temps. Au lieu d'apprendre le din, toi, tu cours, chaque soir, tu es dans une maison. Et deuxièmement, ça va te faire beaucoup de fitnes. Fitnes avec les malades, des fois tu tombes avec une femme, et puis des fois c'est difficile. Et des fois, c'est les machakils avec les djinnados. C'est les machakils avec les djinnados, ensuite, tu tombes avec les méchants, les dangereux, les juifs. Ensuite, ils vont te faire problème des fois à toi, des fois à ta femme, des fois aux enfants, etc. C'est pour ça que si quelqu'un veut apprendre hadith, ça ne fait rien, mais qu'il le fasse seulement pour lui ou là sa famille ou là, qu'il est allé ou là dans des cas, s'il le fait, il le fait par exemple une fois pour les 3 mois. C'est vraiment un nécessaire, quelqu'un est vraiment malade. Mais pour faire cela, ça devient un travail, comme j'ai dit, du matin au soir. Je vous conseille de ne pas faire cela, Inch'Allah ta'ala. Mais soyez, Inch'Allah ta'ala, pas des bouaïnes. Abou Ahmedoullah, j'ai beaucoup de choses à raconter, mais tu m'excuses si je passe aujourd'hui parce que je vais fermer dans 5 minutes. Il y a beaucoup qui n'ont pas posé de questions. Pardonne-moi, Allah. Mais je te promets, Inch'Allah, je te raconterai beaucoup de choses. Je te raconterai beaucoup de choses, Inch'Allah ta'ala. Oui, Ramana, Ibn Abdallah, tafadlal, parce qu'il reste 2 ou 3 minutes. J'ai pas compris. Non. Avant cette question, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé le prénom, c'est Mohamed. Mon prénom, c'est Mohamed. Exactement, c'est Mohamed avec M apostrophe. Mohamed avec M apostrophe. Ceci s'articule seulement à quelqu'un de Mouchtahid ou sinon si que l'imam suit un des 4 madhhabs, ou autant qui commet des erreurs, comment ne pas lever les mains au niveau des épaules ou encore prier. Ou encore le madhhab Hanafi, je crois qu'il ne bouge pas, tout le doigt. Non. Inch'Allah ta'ala, ma nasiha, c'est que tu fais, toi, la prière derrière lui avec la sunna sahiha. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça sa sunna, s'il croisait les mains sur la poitrine, toi, tu croises, même si l'imam ne croise pas. Si, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait quelque chose comme ça et tu connais c'est une sunnah, tu l'as fait même si l'imam ne l'a fait pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit dans le hadith, il a dit vous devez suivre le problème, pardon, le imam, qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité 3 ou 4 choses, et les 3 ou 4 choses sont toutes des choses, des arcanes, des choses obligatoires. Il a dit, s'il dit la akbar, dites la akbar. S'il se prosterne, vous prosternez. S'il incline, vous vous inclinez. Il a dit les choses qu'on doit faire. Mais il sait que des autres choses. Car si on doit, si on dit, classe, moi je fais tout ce que fait l'imam, parce qu'il a dit, vous devez suivre l'imam. Donc je te pose une question. Et si l'imam invente des choses de lui, il rentre dans la salat, il dit Allahu Akbar, ensuite il va joindre ses 2 mains sur sa tête. Et il commence à lire, les mains sur la tête. Est-ce que moi je vais le suivre? Il y a un hadith qui dit suivez l'imam. Impossible, je ne vais pas le suivre. Il a tiré quelque chose de sa tête. Je ne le suis pas. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani a dit, quand quelqu'un, par exemple, laisse les mains à droite et à gauche, comme dans le Madhhab al-Maliki, dont l'imam Malik et se désengage de cette chose, car l'imam Malik lui-même mettait les mains sur la poitrine, ce qui ne me croit pas qu'il revienne à son livre. L'imam Malik n'a qu'un seul livre, qui s'appelle Mawta. Revenez à Al-Mu'ta, vous trouvez que l'imam Malik a apporté ce hadith. Le Cheikh Al-Albani a dit, si maintenant tu tombes avec quelqu'un qui pose les mains comme ça à droite et à gauche, il a dit, si c'est un grand alim, yani tu fais une niqash avec lui, si lui c'est un grand alim, il marche cela à cause il a des hadiths et ceci, il a dit ça, c'est possible. Là, c'est possible. Mais si c'est un mouta'assab, quelqu'un n'y connaît ni il ne dit ni rien, alors il te dit, moi je marche comme ça, je ne cherche pas à comprendre. Imam Malik a dit ça, je fais ceci. même si toi qui es en erreur, celui-là, je ne le suivrai pas, inshallah ta'ala. Je ne le suivrai pas, inshallah ta'ala. Je suivrai le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Idris, tafadhal. Les deux ou trois dernières questions, tafadhal. Si une femme divorce, peut-elle se remarier avec ce frère? Avec ce frère ou avec son frère? Réponds-moi, Abou Idriss. Avec ce frère, et ça s'écrit avec CE, yani aide le frère ou avec son frère? Ce frère. Pourquoi qu'elle ne peut pas? Bien sûr, si quelqu'un divorce une femme, ensuite elle ne s'est pas encore remariée, ou là elle s'est remariée et elle a encore divorcé, il peut se marier avec elle, bien sûr. Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Qu'est-ce qui l'en empêcherait? Wallahu ta'ala alam. Am Sakina, tafadhali. Je demande, inshallah, aux autres frères de ne pas lever la main aujourd'hui, ça suffit. Barakallahu fikoum. Je dois terminer, j'ai des choses à faire. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hier, vous avez dit quatre choses sous forme de questions qui feront même partie des questions lors du contrôle. Inch'Allah. Et ça n'a pas de père. Hawa n'a pas de mère, il manque les deux derniers. Justement, elle dit, j'ai pensé que peut-être ça allait tomber dans le contrôle. Naam. Moi aussi, j'ai pensé à cela. J'ai dit que les gens, il y avait quatre sortes. Quatre sortes. Ceux qui ont un père et une mère, ce sont tous les gens. Ça, ils ont un père et une mère. Première sorte. Deuxième sorte, ceux qui n'ont ni père ni mère. C'est Adam alayhi salam. C'est le contraire. Troisième sorte, ceux qui ont seulement une mère, Isa alayhi salam. Et quatrième sorte, ceux qui ont seulement un père, Hawa. Hawa qui avait seulement Adam. Adam, c'est un homme, c'est pas une femme, c'est son père. Est-ce que c'est compris ou là je répète, Oum Sakina? Est-ce que c'est compris ou là je répète très vite? C'est qui barakallah? Tafadhal, faslu khitab. Tafadhal, faslu khitab. Inch'Allah ta'ala, très bientôt, Inch'Allah ta'ala, j'ai pensé à quelque chose de très important, et important, Inch'Allah ta'ala. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ibn al-Islam, je t'ai fait passer. Fadal, j'ai dit que, Inch'Allah ta'ala, je vais avoir comme ça une sorte de site. Pourquoi? C'est très important dans ce sens que je mettrai à l'intérieur. Comment saluer les koufars? Naam. Le kafir, s'il te dit salam alaykoum, tu lui dis wa alaykoum. S'il te dit salam alaykoum, si tu n'as pas bien entendu ce qu'il a dit, tu dis seulement wa alaykoum. Si tu as entendu qu'il a bien dit salam alaykoum, tu lui dis wa alaykoum salam. Mais, s'il ne dit pas salam alaykoum, tu lui réponds comme c'est dans sa salutation. S'il dit bonjour, tu lui dis bonjour. S'il dit Guten Morgen, tu lui dis Guten Morgen. C'est en allemand. Quand tu lui réponds d'après ce qu'il dit lui. Mais s'il te dit Salam alaikum, tu lui dis Wa alaikum salam. Voilà, c'est comme ça en général. Restez qui? Restez un seul. Fassou khitab, tafadhal barakallahu fik. Ibn Islam, jazakallahu khair. Khali, je te répondrai la prochaine fois barakallahu fik. Je dois fermer. Est-ce que vous avez un homme dans le temps qui a baissé sa mère, on ne sait pas pour le faire de la foi? Non, ce n'est pas vrai, Alif Soukhetab. Non, ce n'est pas vrai. Jamais dans une religion, il était permis de faire un rapport avec sa femme. Pardon, avec sa mère. Jamais ça s'est vu dans le dîme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Il était permis dans le dîme d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'un min Adam que il était permis de faire Le hadith d'Ibril. C'est quoi le hadith d'Ibril? Le hadith d'Ibril qui dit que on peut faire le rapport avec sa mère. C'est quoi le hadith d'Ibril? Non, c'est pas cela. C'est pas le sens. Barakallahu fik ya fasl al-khitab. C'est pas cela le sens du hadith. Le hadith a dit wa antalida al-amatu rabbataha. C'est ça ce qu'a dit le hadith. Antalida al-amatu rabbataha. Ça veut dire ça, comme a dit. Ça veut dire ça, comme a dit Fath al-Bari, comme a dit Ibn Hazm al-Asqalani et les autres. Ça veut dire que, non, jamais, jamais ça n'existe ça. Cherche-moi, chauffe, pour te dire seulement, j'aime pas dire ça, mais en passant, le Bukhari, tu vas me ramener le hadith du Bukhari. Le Bukhari, il a, Fath al-Bari, il a 15 tomes, je les ai lus les 15. Enfin, les 15, je les ai lus, et Fath al-Bari, je l'ai ici devant moi, un cahier. Résumé. Quand je lis, je ne lis pas, je résume. À quoi ça sert de lire comme ça? À quoi ça sert de lire? D'accord, amène-moi le dalil, inshallah ta'ala. Ils ont dit, Rabbataha, ça veut dire que la femme a dit, elle va accoucher de quelqu'un, d'une fille ou là, qui elle va devenir sa maîtresse. On l'a fait ramener de la guerre. Quand on vient de la guerre, on ramène l'abid ou l'ama, etc. Quand elle se marie avec l'autre, c'est une femme qui va enfanter quelqu'un ou là une autre femme qui va devenir elle sa maîtresse. Yani Hada, c'est le signe que yani le grand changement qu'il va y avoir encore, que c'est la fin du monde, que on est loin de la fin du monde. Mais face au khitab, que quelqu'un dise on peut faire un rapport avec sa mère ou là qu'il faisait le rapport avec sa mère. Maintenant s'ils l'ont fait, je ne dis pas que qu'ils l'ont pas fait. S'ils l'ont fait, ils l'ont fait. Mais c'est pas le din. Ma'adallah, que ça existe ça en islam, que l'islam a permis à quiconque de faire le rapport avec sa mère. Jamais, esclave ou pas esclave, jamais il n'est permis à quelqu'un de faire le rapport avec sa mère. Jamais, au grand jamais. Non, ça rentre pas dans les esclaves. Pardon. Ça, le chocme des esclaves, je le connais par cœur. Je le connais, je te dis tout ce qui est permis dans les esclaves. Il y a un chapitre spécial dans Osmo Tafsir Osmo Kitab Ibn Uthaymeen Ali Rahmatullah Sharh al-Zad Sharh al-Munti' Sharh al-Munti' un chapitre qui parle spécialement des koufars. Rapporte-moi le dalil. Rapporte-moi, je serai très content que tu me ramènes le dalil. Et je te dis bien, regarde bien ce que tu as dit. Le dalil où Allah Azza wa Jal a permis à un esclave de faire le rapport avec sa mère. Voilà ce que tu me ramènes. Tu me ramènes pas qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et je le dirai dans le salon, et je dirai que Fasl al-Khitab, c'est un grand savant, et moi, je ne connais rien dans le din. Si tu me rapportes ce dalil, je dirai que Fasl al-Khitab est un grand savant, c'est le frère de Cheikh Ibn Uthaymeen. Fasl al-Khitab, non, tu es un grand savant si tu me rapportes cela. Chauffe, si tu me rapportes cela, que c'est permis en islam, que quelqu'un peut faire avec sa mère, pour moi tu es un grand savant. Même si toi tu dis tu n'es pas un savant, pour moi tu es un grand savant. Car tu as ramené quelque chose que personne dans la vie n'a dit. Ça veut dire que Timia n'a pas su ça, Ibn Qayyim n'a pas dit ça, ça veut dire que sûrement tu es mieux qu'eux. Même si tu ne le sais pas toi, il est possible que tu sois un savant, tu ne le sais pas. Si tu dis ça, là, tu es un grand savant. Inch'Allah, je t'attends la prochaine fois, et je dirai voilà, je me suis trompé, et je ferme la salle et je ne vais plus donner de cours. Je ne vais plus donner de cours à quiconque. Pourquoi? Parce que quelque chose comme ça qui m'a échappé, ça veut dire que je ne connais rien dans le din. Barakallahu fikoum. Je vous laisse, inshallah ta'ala, parce que, comme vous savez, demain, inshallah ta'ala, j'ai un voyage. On se rencontre, inshallah, très prochainement. Face au khitab, je t'attends, inshallah, la semaine prochaine, avec tes dalil, inshallah ta'ala, si je me suis trompé. C'est le shaitan qui m'a trompé, c'est le djihad que j'ai. Si j'ai dit juste, c'est Allah Azza wa Jalla qui m'a appris. Je le remercie beaucoup. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se verra, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Alaykum salam wa rahmatullahi.